Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan et je serai avec vous pour les prochaines 2 heures. Vous savez, on a passé au nouveau format de 2 heures et nous avons aussi passé à l'horaire du lundi à 15h. Alors, ne vous méprenez pas, nous sommes bel et bien dans une nouvelle case horaire. Alors, nous en sommes à l'édition du 21 février 2011. Alors, ça a l'air de rien, mais les choses vont vite. Et puis, même affaire dans l'actualité. Alors, cette semaine, on va parler d'un dossier assez chaud ici au Québec. J'ai nommé le dossier nucléaire. Vous savez, on est en train de discuter, de faire acheminer des déchets nucléaires. En fait, ça se trouve à être des générateurs d'une centrale électrique nucléaire ici au Canada et puis qui devraient descendre le fleuve du Saint-Laurent pour se rendre en Finlande pour fin de recyclage. Alors, évidemment que ça fait lever le tollé au Québec et ça l'inquiète beaucoup de personnes. Alors, pour nous en parler de ce dossier, éclaircir ces événements-là. Alors, nous allons revoir notre excellente invitée qu'on a déjà eue dans le passé. J'ai nommé Julie Lemieux, qui est l'auteur d'un excellent livre dont je vous conseille fortement la lecture. Ce livre se retrouve aux éditions Multimonde et le livre se nomme « Avez-vous peur du nucléaire? » Alors, vous avez des risques et des coûts qui sont absolument inacceptables. Et puis, avec Julie qui va nous fournir un peu de son temps. Alors, on va l'avoir ici en entrevue un peu plus tard dans l'émission. Elle va nous parler un peu du transport projeté des déchets radioactifs sur le fleuve Saint-Laurent, les problèmes techniques et retards majeurs pour la rénovation du réacteur Candu de Pointe-le-Pro au Nouveau-Brunswick. On va parler aussi des importants dépassements de coûts de la centrale Bruce Power et aussi de ces fameux déchets radioactifs là, qui risquent de se retrouver sur le fleuve du Saint-Laurent. Alors, transport des déchets. Quelle protection juste? Vous allez savoir que ce dossier-là est loin d'être terminé. Puis, ça va nous mener aussi à parler un peu du dossier de Gentilly 2, qui se trouve être la seule centrale nucléaire ici au Québec que le gouvernement Charest voudrait rénover à grands frais, à grands risques, et puis en créant des déchets nucléaires qui sont finalement de quoi qui est essentiellement ingérable. Alors, on va s'entretenir avec Julie Lemieux un peu plus tard dans l'émission qui va venir nous parler de ça. Julie qui est tout le temps au fût et au courant des dernières nouvelles de ce dossier-là, qu'elle le suit. Elle apparaît aussi à la télévision, elle travaille avec des physiciens aussi. Elle n'est pas physicienne elle-même, mais vous savez qu'elle s'entraîne, elle s'entourne elle s'entoure de gens hautement compétents pour justement pour savoir de quoi qu'elle parle. Alors, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil et d'y jeter l'oreille, je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, elle s'est tapée aussi quelques centaines de pages de transcription des audiences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qu'on nomme la CCSN, et il y a trouvé des choses assez étonnantes qui n'avantagent guère l'industrie nucléaire. Alors, ne manquez pas ça, un documentaire aussi qu'elle nous a signalé, qui est intéressant à voir, qui a été présenté à l'UQAM, ici, à l'Université du Québec à Montréal. Ça a été présenté, donc j'imagine qu'éventuellement ça va être disponible. Alors, regardez ça. C'est un film danois qui s'appelle Into Eternity. Et ce film nous permet de visiter le site d'enfouissement final des déchets nucléaires le plus avancé du monde, à Olkiluoto, en Finlande. Alors, c'est un projet d'ingénierie incroyable pour gérer des déchets dont la toxicité ne se compare à rien d'autre sur Terre, autant en termes d'intensité toxique que de durée de cette nocivité, de quoi à faire réfléchir. Alors, un film qui illustre clairement l'ampleur du défi auquel l'industrie nucléaire nous oblige à faire face aujourd'hui. Et vous savez, pour nous protéger des rayonnements nocifs des combustibles usés qui sont produits de l'électricité durant moins de 30 ans, il faut un site absolument étanche durant, tenez-vous bien, plus de 100 000 ans. Vous avez bien entendu. Un projet aussi compliqué que coûteux. En fait, Into Eternity illustre la face cachée de cette industrie. Il aide à comprendre l'intérêt soudain de la compagnie ontarienne Bruce Power pour le recyclage des métaux contaminés provenant de vieux réacteurs nucléaires, les fameux générateurs de vapeur usagés dont on parle partout depuis un certain temps au Québec. Et vous avez aussi d'ailleurs un article de Gilles Lemieux qui est paru dans Le Devoir, dans les pages Idées. Et je n'ai pas la date précise de ça, mais ça s'est passé il y a quelques jours, alors ça devrait être assez facilement retrouvable. Donc, allez voir ça. C'est une lettre aussi qui contenait des détails techniques dont on ne parle jamais. Donc, ça vaut la peine d'être vu. Puis, je rappelle le livre de Julie Lemieux qui s'intitule « Avez-vous peur du nucléaire » chez les éditions Multimonde, qui a été publié en 2009. Donc, allez voir ça. Aussi, ce documentaire de Michael Madsen qui a été fait aussi en 2009 au Danemark, qui dure 75 minutes avec beaucoup d'intérêt à aller voir. Donc, réellement, ça a gagné de nombreux prix au Nordic Panorama de Bergen en Norvège, Vision du réel en Suisse, Planet Doc Review en Pologne, le CPH au Danemark. Alors, allez voir ça, c'est quand même assez incroyable. Un voyage dans les entrailles, Dankalo, le lieu caché en finlandais, où le premier site d'entreposage en profondeur des déchets radioactifs est actuellement creusé. L'objectif, isoler ces déchets hautement dangereux pour un minimum de 100 000 ans. Bref, une éternité. Alors, allez voir ça. Et puis, les bienfaits de l'industrie nucléaire, ben, ça continue. On apprend d'ailleurs, vous avez bien entendu, là, d'ailleurs, Julie Lemieux va nous le confirmer un peu plus tard, mais on pense littéralement à recycler ces métaux qui sont radioactifs. Et puis, dans le mot recycler, il y a réutilisation, c'est-à-dire que on risque de transformer ce métal-là sous d'autres produits qu'on va finalement retrouver partout dans les objets de consommation. Alors, vous ne croyez pas rêver. Vous croyez rêver en réalité, vous ne rêvez pas, c'est la réalité. On en a déjà parlé ici d'ailleurs sur L'Autre Monde. Il y avait des articles qui avaient été publiés concernant ce sujet-là en France où justement on considérait les mêmes choses. C'est pas déjà fait, alors imaginez, ça c'est incroyable. On parle de lingots recyclés radioactifs remis en circulation dans les biens usuels. Alors, n'est-ce pas assez particulier de voir ça? Alors, celle-ci, cette compagnie suédoise, là, cette firme suédoise qui fait l'entreposage de déchets radioactifs, disposerait une partie de ces matériaux radioactifs dans des lingots de ferraille recyclés mis en vente sur les marchés, y introduisant ainsi une contamination radioactive. Alors, c'est quand même assez particulier, n'est-ce pas? D'ailleurs, cette pratique, la contamination du métal recyclé en y mélangeant des déchets radioactifs, a été condamnée par plusieurs organismes, dont les Nations Unies, la Steel Manufacturers Association et l'International Recycling Bureau, a déclaré que Combo, the Citizens for Alternatives to Chemical Contaminations au Michigan. Alors, c'est tiré d'un article aussi que vous pouvez trouver sur mondisation.ca, dont vous trouverez le lien, et aussi un article qu'on a repris de Julie Lemieux sur Sans papier. Donc, vous retrouverez aussi cet article-là sur le site. Donc, avec les liens disponibles d'ailleurs, qui tout se retrouve sur le niveau international. Donc, on continue. Dossier maintenant Fluor. Alors, la Fluoration Québec, ben, ça avance et puis on remporte plusieurs victoires importantes. Vous savez, ici, je dis on parce que ici, à l'Outremonde, on s'oppose évidemment à la Fluoration. On a eu d'ailleurs l'excellent Gilles Parent à trois reprises sur l'émission. Vous allez retrouver ça aussi sur la page de l'émission L'Outremonde sur le site de Choc FM. Vous allez trouver en lien toutes les entrevues qu'on a réalisées, toutes les interviews. Et puis, vous allez retrouver évidemment cette série de trois de Gilles Parent. Et puis, si vous ne les avez pas déjà entendus, vraiment, vraiment, c'est un investissement capital de temps. Ce ne sera pas une perte de temps. Allez écouter ces trois séries-là. Vous allez en apprendre tellement que ce ne sera pas vraiment difficile de comprendre où est le danger avec la fluoration. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui arrive aussi de ville en ville, de conseil en conseil, et puis même dans les cours. Alors, de plus en plus, il devient assez évident et puis incontournable, même juridiquement, que c'est une folie, c'est un mythe et ça n'a rien à voir avec la carie dentaire, ça fait absolument rien, même que ça empire la santé des dents, en plus d'apporter évidemment une toxicité incroyable au corps. Donc, vous savez, les fluors sont très, très toxiques. Et puis, ceux qu'on introduit dans la chaîne alimentaire avec les fertilisants et puis ceux qu'on distribue évidemment dans l'eau, dans les villes où on fluore l'eau et dans les pâtes à dents, etc., etc., eh bien, vous savez, c'est de grade industriel, c'est des déchets industriels. Alors, c'est vous qui absorbez ça, c'est vraiment incroyable. Sauf qu'on rencontre de plus en plus d'opposition dans les villes où on veut fluorer l'eau. Et puis, on a remporté plusieurs victoires. Alors, en février 2011, on a mis fin à la fluoration à Verchères. En janvier 2011, c'est la fluoration qui a été suspendue à Trois-Rivières. En mai 2010, ça a été le rejet de la fluoration à Gatineau. En 2010, décembre 2010, c'est à Beaupré que ça s'est arrêté. On a rejeté la fluoration là-bas. Beaupré, non fluor. Vous avez aussi en février 2010 la fluoration qui était suspendue à Saguenay. On l'a rejetée à Longueuil et à Sault-Saint-Marie en septembre et janvier 2009. La fin de la fluoration à Québec, la ville de Québec. Alors, on a arrêté ça en avril 2008. Et puis, on a appris aussi dans les dernières nouvelles la fin de la fluoration à Calgary dans l'Ouest canadien. Et le débat, il perdure depuis des décennies. Vous avez tous les liens relatifs à ça pour aller approfondir le dossier. Donc, on continue. Ensuite, on parle ici des gaz de schiste. Alors, vous voyez trois dossiers de taille quand même, là, les gaz de schiste, la fluoration de l'eau et puis le transport des matières dangereuses radioactives et des centrales nucléaires. Alors, tous des dossiers qui sont sur la table et qui sont vraiment très cruciaux. Et puis, on a l'impression des fois même d'être débordé avec tous ces dossiers-là. Mais ils sont très importants. On ne peut pas vraiment mettre la tête dans le sable, se détourner le regard, c'est des trucs absolument cruciaux auxquels il faut vraiment faire face. Et puis là, c'est un article du Daily Mail. Ici, on apprend qu'on a une petite ville américaine qui, d'ailleurs, a reçu ces fameuses compagnies pétrolières et gazières qui sont venues faire de l'exploration, comme on a commencé ici à faire un peu partout au Canada, aussi au Québec et sur d'autres territoires à l'étranger, comme aux États-Unis. Et vous savez, ce qui arrive, c'est qu'on va percer le sol à des profondeurs pour essayer de trouver des poches de gaz. Alors, les gaz de schiste qu'on essaie d'extraire. Et ce faisant, on introduit des produits hautement toxiques dans le sol et puis des quantités d'eau et toutes sortes de liquides comme ça pour essayer de faire dégager le gaz et le faire remonter. Et évidemment qu'on joue avec la géologie du sol, donc à ce moment-là, on se retrouve à déstabiliser des terrains, et puis là, on se retrouve avec cette petite ville américaine qui est devenue la capitale des tremblements de terre du monde après avoir subi plus d'une douzaine de secousses à chaque jour. Alors, la ville subit une douzaine de secousses sismiques à tous les jours. Imaginez, c'est des gens qui habitent et résident dans la ville de Guy, en Arkansas. Et ces gens-là, ben écoutez, jusqu'à date, ils ont vécu plusieurs milliers de petits tremblements de terre en juste 6 mois après qu'on ait finalement essayé de trouver du gaz alors qu'on a drillé tout simplement dans le sol, déstabilisant des couches des strates géologiques qui se retrouvent sous les pieds de ces gens qui habitent dans cette région. Alors, vous savez, ces secousses sont si fréquentes et se répartissent jusqu'à l'échelle de 4, donc au degré de 4 sur l'échelle de Richter. Et puis, ben écoutez, il y en a tellement comme ça qu'on leur a même donné, on leur a même donné des noms. On les appelle les tremblements de terre Guy, imaginez le nom de la ville. Donc, évidemment que les gens qui habitent là sont pas vraiment contents. Donc, ça c'est évident. Et puis, ben ça c'est un des problèmes que ça cause. Et puis, ça peut évidemment soulever des questions très importantes pour les communautés où justement on fait de l'exploration gazière comme ça. Donc on injecte de l'eau, des produits chimiques, du sable à très haute pression pour avoir accès à ces poches de gaz souterraines. Et puis après ça, ben ce qui arrive, c'est qu'évidemment, on se retrouve avec des nappes phréatiques qui sont contaminées, on se retrouve avec de l'eau qui contient beaucoup de gaz. Vous avez des vidéos comme ça où les gens peuvent carrément allumer en feu là l'eau du robinet qui coule. Et alors imaginez. Donc les gaz de schiste, ben oui, avec notre fameux Lucien Bouchard qui a été nommé justement pour nous vendre les gaz de schiste ici au Québec. Alors c'est fantastique, Monsieur Lulu International là, qui vient vraiment compléter sa job de corrompu ben raide. Et puis il va essayer de nous vendre ces fameux gaz de schiste. Alors fantastique, mon cher Lucien Bouchard, fantastique, c'est vraiment super. Un autre dossier aussi alarmant, c'est celui des OGM. Alors, on avait un projet de loi C-474 qui a été battu, et puis surtout majoritairement au Québec. Vous avez un article ici assez intéressant à les trouver. Vous allez voir ça. Ça a été publié sur Greenpeace Canada, celui-là. C'est un projet de loi. C'est le C-474 qui a été proposé par un député du NPD qui a été battu. Ça fait un peu plus de deux. Ça fait une semaine et demie environ de ça. Ça a été battu à la Chambre des communes par 176 votes contre 87. Les députés conservateurs et une partie des libéraux votant contre un projet de loi qui aurait rendu obligatoire des études d'impact sur les marchés avant l'autorisation des OGM. Alors, voyez, c'est tout ce qu'on veut, hein? Donc, on veut avoir, rendre obligatoire des études d'impact avant d'introduire des OGM dans la chaîne alimentaire. Ce projet de loi visait à protéger les agriculteurs et les marchés contre l'imposition de cultures OGM que les consommateurs ici à l'étranger refusent massivement. En votant contre le projet de loi C-474 ou en ne le votant pas, les conservateurs et les libéraux ont préféré protéger les intérêts des compagnies comme Monsanto plutôt que ceux des agriculteurs et des consommateurs. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a une majorité aussi au Québec. Sur les 97 députés qui ont voté pour le projet de loi C-474, on retrouve 44 députés du Québec, dont 41 du Bloc québécois, 2 libéraux et 1 du NPD. Alors, vous avez la liste ici. Encouragez ces gens-là qui ont voté dans le bon sens. Et puis, c'est important je veux dire, autant qu'on puisse manifester et chialer contre les mauvaises décisions, c'est important qu'on supporte aussi les gens qui, justement, prennent les bonnes décisions pour protéger la santé publique et puis l'environnement. Donc, allez voir ça. Ensuite, un autre article qui vient de l'agence France-Presse où on apprend que la malbouffe, hein, la junk food, le fast food est liée avec des taux d'intelligence, hein, de quotient intellectuel plus bas. Alors, ça aussi, c'est une étude assez importante qui a été faite. C'est une étude britannique. Alors, on la décrit comme étant la plus importante recherche de la sorte. Et vous avez 4 000 enfants sur lesquels on a complété des études, on a accumulé des données. Et puis, on a trouvé qu'il y avait une différence de quotient intellectuel assez significative entre ceux qui, finalement, mangeaient de la nourriture qu'on appelle santé, quoi, et ceux qui, finalement, consommaient de la malbouffe, du fast-food. Donc, on a trouvé que 20% des enfants qui avaient mangé le plus de nourriture manufacturée, préfabriquée, je dirais empaquetée, processée en manufacture, là, vraiment genre on appelle ça de la nourriture de plastique finalement, avaient une moyenne de quotient intellectuel de 101 points comparé à 106 pour les 20% d'enfants qui avaient mangé la meilleure diète de nourriture, donc la nourriture la plus santé. Alors, on dit que c'est une très petite différence, que ce n'est pas une différence vaste, a déclaré un des auteurs de cette étude qui s'appelle Pauline Emmett de la School of Social Community Medicine at the University of Bristol. On a trouvé quand même dans l'étude que ça fait quand même que les enfants sont moins capables de gérer, finalement, d'apprendre, donc de recevoir une éducation, moins capables d'être capables de gérer, si vous voulez, les choses de la vie même, du quotidien. Alors, c'est quand même significatif. Et puis, dernière nouvelle dans ce type-là, ben, c'est Taïwan qui a rejeté encore les avertissements sur les restrictions que Taïwan impose sur l'importation du bœuf américain. Pourquoi? Ben parce que vous avez Taïwan ici, où on a trouvé que dans certaines parties du bœuf américain qui est importé, qui s'est retrouvé sur les tablettes, ça contenait un certain médicament qui s'appelle le Paline. Paline, Payleen, Paline, et qui est utilisé pour finalement faire en sorte que les animaux soient plus maigres, si vous voulez, au niveau du gras. OK? Alors, on essaie de modifier, si vous voulez, la teneur en gras des animaux avec des médicaments. On se retrouve avec les États-Unis qui essaient d'intimider Taïwan et puis leur dire, on leur a dit que ça pourrait évidemment porter ombrage à certains pourparlers de libre-échange. Et puis là, évidemment, que les autorités ici de la santé à Taïwan ont répliqué que les restrictions qui sont en place sont en accord avec la loi qui sont en place pour protéger la santé publique et qui ne sont pas dirigées, évidemment, spécifiquement contre les États-Unis. Donc, vous voyez là une réponse très mature que Taïwan a donnée aux autorités américaines. Et puis, ils ont aussi déclaré qu'ils étaient pour continuer à faire appliquer ces règlements-là. Donc, ça aussi, c'est très encourageant. Et vous avez des liens ici intéressants où on apprend que justement, vous avez la vidéo aux États-Unis qui ont permis l'utilisation de ces médicaments-là qui n'est pas sécuritaire pour utilisation chez les humains. Alors, imaginez, c'est assez incroyable. Alors, on utilise ça. Dans le bétail, alors on fait absorber ces médicaments-là au bétail juste avant qu'ils aillent à l'abattoir. Et puis, ça se retrouve dans la nourriture, quoi. Alors, ces trucs-là, ça a été banni en Europe, à Taïwan et en Chine. D'ailleurs, vous avez plus de 1 700 personnes qui ont subi un certain empoisonnement après avoir utilisé, après avoir mangé, en fait, de ces médicaments-là qui se retrouvent dans la viande de cochon, alors depuis 1998. Et puis, écoutez, on a sévi, donc on a arrêté les importations. Donc, voyez ça. Et puis, vous avez la FDA aux États-Unis qui est prête à nourrir les Américains avec cette nourriture-là, alors que dans d'autres contrées, on l'a carrément banni. Alors, ça vous donne un peu une idée sur le rôle de ces fameuses institutions de santé publique. Donc, oui, vraiment, ces gens-là ne sont pas vraiment. Tout le temps là pour protéger la santé de la population, je dirais des gens. Ils sont plutôt là pour protéger la santé financière des grandes compagnies. Des compagnies qui produisent la nourriture, qui produisent ces médicaments-là. Donc, vraiment, c'est des gens qui semblent être plus là pour protéger la grande industrie. Donc, voilà pour les premières entrées, les premières nouvelles qu'on avait sur le menu. Donc, nous, on va faire une petite pause musicale immédiatement. Et puis après la pause, on va recevoir Julie Lemieux pour environ 25-30 minutes pour nous parler un peu de ce dossier nucléaire. Donc, on se retrouve immédiatement. Alors, chers auditeurs, nous avons une entrevue spéciale, Julie Lemieux, qu'on avait déjà eue sur le programme il y a quelques mois et puis qui nous revient pour faire une petite mise à jour sur le dossier nucléaire au Québec. Julie Lemieux, qui est l'auteur d'ailleurs du livre Avez-vous peur du nucléaire, qui a été publié sur les éditions Multimonde en 2009, que d'ailleurs je vous conseille fortement de vous procurer, d'en faire la lecture pour vraiment avoir une compréhension approfondie. Julie Lemieux, bienvenue de nouveau sur L'Autre Monde. Merci. C'est un plaisir de t'avoir. Écoute, Julie, je suis contente de t'avoir. Merci pour ta présence. Écoute, ça brasse pas mal sur la scène médiatique, surtout au Québec, surtout qu'on sait qu'on s'enligne vers un transport projeté de déchets radioactifs là, sur le fleuve. Et puis, bon, on a aussi des problèmes techniques et des retards majeurs pour la rénovation du réacteur de Candu, de Pointe-Lepreau au Nouveau-Brunswick. On a aussi des importants dépassements de coûts à la centrale de Bruce Power et puis différents dossiers. J'aimerais ça que tu nous parles de ça. Et puis d'ailleurs, tu me soulignais avant qu'on commence l'entrevue on va se commémorer une tragédie de Tchernobyl qui est survenue, tu me disais, au mois d'avril, hein, de 86, 1986. Et puis, on en subit encore des retombées néfastes de ça. Donc, je pense que c'est important de faire le point là-dessus. J'aimerais ça que tu nous parles dans un premier volet de c'est quoi ce dossier-là et puis surtout des informations que tu as réussi à déterrer que on n'entend pas nécessairement dans les médias et aussi que bon, les autorités au niveau nucléaire ici au Canada nous font pas peur. Alors, parce qu'il y a beaucoup de craintes aussi et il y a d'un autre côté je dirais un certain laxisme, une certaine tendance à vouloir encore là couvrir l'étendue des conséquences négatives que ça pourrait avoir. Alors, je te laisse le plancher, Julie, et parle-nous un peu de ça. Bon, ça marche. Alors, dans le fond, c'est sûr, c'est le printemps prochain, dans le fond, on va commémorer le 25e anniversaire de Tchernobyl, qui est un accident dans un réacteur nucléaire qui s'est produit le 26 avril 1986. Ce que j'aimerais dire là-dessus, c'est qu'on n'en parle plus. Depuis des années, on a dit que le nucléaire était une solution au réchauffement climatique. L'industrie a répété ça, les lobbies ont répété ça pendant des années, ce qui est exagéré, nettement exagéré. Mais ce que j'aimerais surtout apporter dans le dossier de Tchernobyl, que j'ai vraiment exploré dans mon livre « Avez-vous peur du nucléaire », c'est le fait que quand il y a un accident nucléaire, les impacts sur la santé se font en différé dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, je pense, au nucléaire. Parce qu'il y a beaucoup de dépôts, comme les rejets qui sont sortis de la centrale de Tchernobyl, il y en a eu loin. Dans la zone près du réacteur, on sait que dans les données récentes, au niveau de la santé des populations, la région de Gomel, qui a reçu beaucoup de retombées, moins de 20% des enfants de cette région naissent en bonne santé aujourd'hui, 25 ans plus tard. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. On a parlé de la marée noire là, dans le golfe du Mexique l'été passé, mais il n'y aura quand même pas un impact démographique de cet ordre. On ne parle pas de choses comparables, même si c'est catastrophique. On parle de quelque chose ici qui a une dimension unique en termes d'impact. C'est quand même assez incroyable qu'on n'en entend pas parler tant que ça, hein, Julie. C'est bien souvent aussi, on dirait, le côté pernicieux du dossier nucléaire, c'est que c'est un truc qui est invisible, incolore, inodore, et puis en plus qu'il y a des effets pernicieux à tellement long terme, et ça permet à ce moment-là un peu de ranger ça sous le tapis, d'essayer de pas vraiment, en parlant pas, de vraiment cacher un peu ces effets qui sont dévastateurs. Tu me disais moins de 20% des enfants naissent normaux. Dans la région de Gomel, mais il faut dire que dans le sens suivant, ce qui est sorti du réacteur, il y a vraiment eu des accumulations de résidus. Importante. D'isotopes radioactifs. C'était majeur, puis ça a donné aussi qu'on a découvert. En tout cas, c'est un exemple de choses qui n'avaient pas été nécessairement prévues au niveau théorique. C'est qu'il y a des résidus radioactifs qui ressemblent à des molécules qu'on a dans le corps, à des atomes qu'on a, puis ça prend la place de certains éléments chimiques qu'on a naturellement dans notre corps. Alors, si, mettons, vous mangez quelque chose qui contient du césium-137, puis le césium-137 ressemble, il va dans vos muscles, il va s'accumuler là, bien, c'est sûr que là, on a un impact qui n'avait pas été prévu. On ne parle plus juste d'un rayonnement global, là, comme quand on parle des rayonnements cosmiques. On parle d'autre chose, là. Est plus grave. Et puis, il faut savoir que Tchernobyl, moi, c'est un aspect que je trouve qui est important. Encore récemment, on a parlé de zones où les moutons au Royaume-Uni étaient impropres à la consommation. On parle récemment, là. Donc, 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. Même chose aussi pour les sangliers qui sont impropres à la consommation. Ils contiennent trop de césium-137 qui provient de Tchernobyl. On parle d'une région d'Allemagne qui est touchée par ça. la teneur en becquerel, le nombre de becquerels de césium dans les muscles des sangliers fait que les autorités allemandes ne veulent pas que les gens les consomment. Est-ce que ça pourrait dire, j'ai une question qui me vient comme ça à l'esprit, parce que je sais que les détecteurs de radioactivité dans l'air en Angleterre avaient commencé à mesurer une augmentation assez significative dans l'air, assez pour alerter le gouvernement 3 semaines après les bombardements en Irak en 2003 à cause qu'on avait utilisé de l'uranium appauvri. Est-ce que ça pourrait être dû à ça aussi? Ah, ça, je peux pas. Écoute, ça, c'est moi, j'aime mieux pas parler d'un dossier que j'ai pas fouillé, parce que j'aime mieux voir les écrits, tout ça, puis réfléchir, là. Mais c'est sûr que quand il y a des bombardements, en tout cas historiquement, pour ce qui est des bombes atomiques et tout ce qui a été des relargages en atmosphère, ça a été mesuré. Les équipements militaires pouvaient, les endroits qui étaient équipés de détecteurs pouvaient le mesurer. D'ailleurs, Tchernobyl, l'alerte n'a pas été donnée en URSS. L'alerte a été donnée dans des pays à 1 000 km, là, qui avaient des détecteurs capables de détecter ce qui était dans l'environnement, ce qui était anormal. Ce qui arrive, c'est que ça voyage selon les vents et les courants d'air, et puis Tout à ça. fait, tout à fait. Puis ce qui est émis aussi, des fois, c'est plus important. On nous parle souvent, qu'on parle, ça c'est un des aspects de l'industrie qui me pose un sérieux problème, c'est que pour rassurer les gens, on dit oui, mais c'est comme la radioactivité naturelle, c'est pas pire. Quand on est exposé à la radioactivité naturelle, on est exposé à un certain nombre de millisieverts par année. Puis là, on dit que, compte tenu que ça ressemble à ce qu'il y a dans la nature, c'est pas grave. Mais en réalité, ce qu'on dit pas quand on affirme ça, moi je trouve que c'est abusé. Parce que on dit pas que, premièrement, si on est exposé à une certaine radioactivité naturelle, ça veut dire que notre corps peut prendre des surplus, premièrement. Puis on sait que Imagine ça. c'est bioaccumulatif aussi, si je me Mais ça, non, mais c'est carrément une exposition à la radioactivité qui est supplémentaire, puis il n'y a rien qui dit que notre corps est fait pour ça sans dommage, Il y a, premièrement. c'est ça, y a-t-il des normes? En réalité, on dit des normes saines, mais en réalité, c'est quoi des normes saines? Ben, je sais que moi, dans le suivi au niveau de la radioprotection, depuis les premières normes qui ont été établies pour les utilisateurs de rayons X dans les années à la fin des années 20, les normes ont baissé, n'ont fait que baisser au fil du temps. Il y a juste récemment, c'est-à-dire qu'on calculait que l'exposition maximale devait être abaissée, c'était préférable. Au fil du temps, tranquillement, les normes ont baissé. Mais récemment, plus récemment, je ne sais pas quand, mais ils ont adopté une norme qui s'appelle la norme ALARA, As Low As Reasonably Achievable. Ouais, c'est ça, OK. Ça, c'est pour pouvoir permettre des travaux liés à l'industrie, parce qu'effectivement, une fois on doit travailler dans des réacteurs quand il y en a, on doit travailler dans des mines d'uranium quand il y en a, puis c'est sûr que dans ces endroits-là, l'exposition radioactive est plus importante que ce qu'on retrouve dans la nature. Donc là, on se Okay? retrouve avec des animaux, on se retrouve avec des gens qui en fait, qui subissent encore les contre-effets, les effets négatifs de l'explosion du cœur nucléaire de Tchernobyl 25 Tout à ans plus fait. tard. Oui, puis c'est pas fini, parce que la demi-vie, quand on parle de la durée radioactive des produits qui ont été émis, la demi-vie n'est même pas dépassée à l'heure actuelle. Puis on parle pas de plutonium, là, puis on parle pas de composés qui sont radioactifs durant des milliers d'années. On parle des composés qui sont radioactifs durant une période autour de 30 ans, la demi-vie. C'est-à-dire que les émissions de certains isotopes radioactifs vont perdre la moitié de leur masse au bout de 30 ans. Donc, ils considèrent qu'il y aura moins de radioactivité émise par les mêmes produits et au fil du temps, ça diminue. Donc, ce ne sont pas les pires en termes de rayonnement radioactif. Donc, qu'est-ce qui en est, pour essayer de connecter ça avec notre sujet, de ce qui se passe ici au Québec? Parce que là, on en entend parler, ça crée évidemment je dirais, des craintes, des inquiétudes dans la population. Il y en a d'autres qui ont tendance à vouloir dire, ben écoutez, il n'y a rien là, c'est bien protégé, aucun problème, on peut transporter ça. Les générateurs de vapeur. Ben oui, c'est ça, Bruce Power. Et puis, bon, ici, on a tout le temps aussi notre cas de Gentilly 2 qu'on veut rouvrir. Vous avez Pointe-le-Pro aussi au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui se passe sur ces fronts-là, Julie? Au niveau des générateurs de vapeur contaminés qui proviennent de Bruce Power, le transport, officiellement, moi, j'ai relu cette semaine la transcription écrite des audiences publiques D'accord. qui ont lieu en septembre dans ce dossier-là. OK. Puis, l'objectif de Bruce Power, en tout cas, ce qui est dit officiellement, c'est que c'est pour réduire le volume des déchets. Puis, eux autres, ils prétendent qu'on peut recycler du métal, une partie du métal de ces déchets-là, puis que c'est bon pour l'environnement, parce qu'on sait que, dans la tête des gens en général, recyclage égale bienfait pour l'environnement. Le problème, par exemple, c'est que, bon, juste un aspect que j'ai découvert cette semaine en relisant ça, c'est qu'on prévoyait qu'il y aurait 10 % c'est-à-dire qu'ils recycleraient plus de 90 % du métal des générateurs officiellement. Là, tu dis recycler, on fait quoi recycler là? Est-ce que tu es en train de nous dire qu'on Ils veulent fond ça? recycler. on recycle ça, puis on fait des nouveaux trucs avec pour on vend ça au public, quoi, c'est ça? C'est en plein ça qu'il y a dans l'air, mais ce n'est pas accepté. À ma connaissance, ce n'est pas accepté. D'ailleurs, il y a un opposant du dossier qui s'est présenté aux audiences là-dessus, qui venait de Suède, puis qui a dit que, dans le fond, Studsvik, la compagnie qui fait le projet avec Bruce Power, eux veulent faire ça, mais ils ont eu un permis d'importer les cuves, mais les réacteurs, peut-être pas les réacteurs, je veux dire les générateurs de vapeur, mais ils n'ont pas le permis de fondre ça. OK. Qui se trouve être les générateurs de Bruce Power, là? Bruce Power, exactement. Il y en a 10. Il y en a, non, 16. 16 de 100 tonnes chaque. De 1 tonne. Mais moi, ce que je voudrais dire, parce qu'il y a des gens qui vont souvent dire mais ce que Bruce Power avait comme argument aux audiences, c'est que dans le fond, écoutez, il y a 4 grammes de produits radioactifs par générateur de 100 tonnes. Mm-hmm. Fait qu'ils ont dit, imaginez comment on a du beau métal utilisable pour juste 4 grammes de produits radioactifs. Ça, c'est un genre d'argument qui, des fois, qui est utilisé, mais qui est, je dirais, frauduleux, en tout cas, qui est nettement abusif. Ça serait peut-être un terme plus poli. Mm-hmm. Mais, dans le fond, le problème, c'est que ça prend des toutes petites quantités d'atomes radioactifs. Tu sais, les atomes, c'est minuscule, minuscule, minuscule, hein? Oui, c'est ça. Ça prend des petites quantités pour contaminer un grand territoire, pour contaminer beaucoup de métal, puis on peut pas dégager. Le métal, on peut pas l'épurer, on peut pas enlever la radioactivité qui est dedans, vraiment. Ça, là, c'est une. En tout cas, moi, à mon sens, c'est une aberration. Parce que là, on dit 4 grammes, mais c'est pas 4 grammes qu'on a ramassé dans un petit cube. Là. Ça, c'est la contamination des atomes qui sont toutes réparties dans la. J'imagine sur les parois de ce métal-là. Là. C'est ce que, si je comprends bien, c'est bien. Surtout qu'il faut penser que les générateurs, c'est comme. Il dit que c'est, bon, l'image qui venait dans les. C'est gros comme un autobus. C'est un gros autobus. D'accord. Chaque générateur, c'est énorme. Et puis, chaque générateur est rempli de tuyaux. On compte 4200 tuyaux de métal. C'est des plein de coudes et tout ça. Tu sais, on imagine, c'est une structure métallique très chargée. Et puis là-dedans, il y a de l'eau lourde qui a passé directement dans le cœur du réacteur, donc qui est passée juste à côté de l'uranium qui est bombardé de neutrons. Là. Puis là, ça circule, puis ensuite, ça va dans le générateur de vapeur, puis il y a une partie des produits radioactifs qui se déposent sur les parois de ces tubes-là. D'accord. D'où leur radioactivité. Et puis là, certaines personnes diraient que c'est pas des grosses émissions, une radiographie, radio X, un rayon X à l'hôpital, là, ça serait moins, ça serait plus en fait plus de radioactivité que ça. C'est quoi tu réponds à ça? Moi, je trouve que c'est épouvantable quand on est rendu qu'on compare ça. Premièrement, si tu as une radioactivité à l'hôpital, c'est parce que tu as un problème de santé préalable, puis il faut le détecter, puis il faut le soigner. Fait que déjà en partant, il y a une différence. Mm-hmm. Très importante. Là, on expose la. Excuse-moi, ouais. Là, ce que je veux dire, là, c'est qu'on expose la population justement sans finalement sans leur consentement. Là, on ne demande pas vraiment aux gens là, à qui on passe ces matériaux-là dans leur communauté. Là, même, on expose tout le monde. Exact. At large. Puis on n'a pas de raison d'être exposé, dans le fond. Non. Parce que quand on va à l'hôpital parce qu'on est malade, on a besoin d'un rayon X, là, une radiographie, c'est autre chose. On ne parle pas de la même chose. Mm-hmm. Pareil pour le transport des isotopes radioactifs. Il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Mm-hmm. Les isotopes radioactifs, ils en circulent plein régulièrement. Je ne sais pas la grosseur des exactement de dans quoi c'est embarqué, dans quoi c'est empaqueté, dans quel type d'emballage. Ce que je sais, c'est que ça ne demande aucune autorisation spéciale. Puis aussi, ce sont des produits radioactifs à courte vue. Et plusieurs sont à courte vie. C'est hautement radioactif, mais s'il était échappé, ça ne serait pas long, ça serait plus dommageable. Tandis que ce qu'on retrouve principalement dans les générateurs de vapeur, on retrouve du plutonium. Oh, d'accord. Plutonium-239. Du plutonium, là. La demi-vie, c'est pas 8 jours comme l'iode-131. La demi-vie, c'est 24 000 ans. Ah, simple, à peine, OK. C'est une grosse différence. Ça veut dire que si on émet dans l'environnement, mettons là, que on émet dans l'environnement les parties métalliques contaminées, ça veut dire, dans le fond, que ce qu'on met dans l'environnement, c'est quelque chose qui va être toxique longtemps. Mm-hmm. Puis là, on. Oui, ben excuse-moi, c'est parce que là, j'ai de la misère à concevoir le fait que là, on va envoyer ça sur le fleuve Saint-Laurent, puis là, on va acheminer ça en Finlande, si je comprends bien. Oui, c'est bien ça. Finlande, oui. Et puis là, dans le but de recycler ce métal-là, parce qu'à quelque part, si c'est quoi, avant que ça parte, il faut que ça soit approuvé en Finlande ou on l'envoie anyway en Finlande, ça? Ça, je ne sais pas, c'était pas clair. OK. Ça, c'est un aspect que j'ai cherché puis je ne l'ai pas trouvé. D'accord, c'est d'accord. Pas clair. Il faudrait demander à la CCSN, il faudrait demander à la compagnie Bruce Power. Je ne sais pas s'ils vont répondre aux questions, parce que ça semble être très difficile d'avoir des précisions à ce niveau-là. C'est très difficile. C'est très difficile, hein? Mais c'est ça le problème. C'est que, de toute façon, même si c'était autorisé, si on envoie les générateurs là-bas, ce que le représentant de Studsvik a expliqué aux audiences, c'est que, premièrement, c'est pas vrai que plus de 90% du métal va être recyclé. Ce qu'il a dit, c'est qu'on commencerait par enlever la coque d'acier, puis que tous les tubes seraient mis à l'écart, seraient empaquetés et retournés au Canada, avec les poussières de sablage de la partie qui est légèrement radioactive, qui serait supposée être sablable pour enlever la couche superficielle, là, intérieure, parce qu'on parle d'une coque d'acier de 2 pouces d'épais. Et même au niveau des renvois, ils ont dit aussi les poussières du système de ventilation. OK? Fait quand on dit ça, là, on s'entend-tu qu'on ne parle pas d'iode et des isotopes médicaux? Non, on se comprend. Puis là, en plus, on renvoie ça au Puis on va Canada. renvoyer ça, puis ce que le gars de Studvix a dit, c'est que ce qui allait retourner, c'était l'équivalent de 25 tonnes par générateur de 100 tonnes. Donc, c'est 25 %. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais ça va repasser sur les routes. Écoute, je suis un peu Ça déstabilisé, honnêtement. n'a pas d'allure. Ben non, je suis en train de me demander si ces gens-là sont vraiment sains d'esprit, là, quelque part. Je veux dire, c'est incroyable. Puis là, je veux dire, c'est quoi la raison de vouloir déménager ces cœurs-là? Est-ce qu'ils ne fonctionnent plus? C'est quoi, on veut les remplacer? C'est quoi l'idée? C'est qu'il était plus bon, c'est que les réacteurs sont en rénovation. D'accord. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, les tubes, ce qui arrive, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réacteur nucléaire, là, c'est une machine assez sophistiquée. C'est très chaud ce qui se passe là-dedans. Il y a beaucoup de liquide de refroidissement. Ils appellent ça des caloporteurs primaires, secondaires. Ça, c'est de l'eau. Il y a de l'eau lourde sous pression qui passe là-dedans, qui sort du réacteur à 300 degrés Celsius, sous pression, qui arrive dans ces tubes-là. Puis là, il faut qu'il y ait une formation de vapeur. Puis c'est comme ça que les turbines sont actionnées pour produire de l'électricité. Dans le fond, le réacteur nucléaire, c'est une grosse bouilloire. Mais sauf que le problème, c'est que comme la source d'énergie, c'est l'uranium qui est fissionné dans un réacteur, bien, ça fait en sorte qu'il y a une chaleur intense et il y a de l'eau sous pression parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bulles là-dedans. Puis, il y a plein de choses qui sont assez compliquées à gérer puis qui font qu'il y a une usure à un moment donné des composantes. Après combien de temps, Julie, ça prend? Je ne sais pas combien de temps. Ça dépend, semble-t-il. Écoutez, ça, moi, je suis pas une ingénieure des matériaux, là. Ça doit pas faire longtemps que c'est là, ça, Bruce Power. Je veux dire, ça doit pas faire ça. C'est plus de 20 ans, je crois. Puis ils ont été, de toute façon, ils ont été arrêtés, si j'ai bien vu, en 96 et 97, d'accord, les d'accord. générateurs de vapeur-là. Donc là, on fait quelques décennies avec ça. Après ça, ça y est, il faut remplacer ça. Est-ce que c'est les mêmes... Oui, vas-y. Ce qu'il faut comprendre dans ce dossier-là actuellement, c'est ça le problème aussi de la question des générateurs. Là, on parle d'un voyage, on dit les risques sont minuscules, c'est infime, c'est peu probable que ça tombe du bateau, c'est peu probable. Bon, peut-être que c'est vrai que c'est peu probable une fois, mais si ça se produit, le problème, ça, c'est comme à Tchernobyl, on disait, les gens de Tchernobyl, là, ils disaient, c'est impossible que ça pète, c'est le réacteur le plus sécuritaire au monde. Puis c'est toujours ça. Moi, non, ouais. Ça me frappe quand je vois tout ce domaine-là. C'est que les gens qui travaillent là-dedans sont souvent, ils ont une assurance qui m'apparaît presque déconnectée. C'est toujours comme ça. C'est la vanité humaine. Écoute, le Titanic n'était pas censé couler. Je veux dire, l'économie n'était pas censée s'écrouler. Je veux dire, c'est tout le temps la même affaire qu'eux autres, là. Je veux dire. Mais dans le cas des déchets, par exemple, ce qui était prévu au départ de l'industrie, c'est que les déchets devaient demeurer à côté des réacteurs. Ils devaient être transportés le moins possible. C'était ça qui était entendu dès le départ. Même Bruce Power, qui a fait une audience environnementale en 2005, je crois, ou 2006, avait fini par déclarer qu'il valait mieux que les déchets légèrement et moyennement radioactifs à vie longue, donc s'ils contiennent du plutonium ou d'autres isotopes radioactifs qui sont toxiques très longtemps, qui vont rayonner très longtemps, bien ça, c'était mieux de ne pas les déplacer puis de les enfouir dans un site aménagé exprès pour protéger l'environnement et la santé. D'accord. C'est dit clairement, mais là, il y a eu un changement de cap à la CCSN et c'est ça, moi, que je trouve qui est le plus inacceptable et le plus choquant. Très alarmant aussi. Puis, je veux dire, si on rapporte ça à notre situation ici à Gentilly 2, est-ce que c'est le même type de réacteur? Est-ce que c'est le même type de situation? Est-ce qu'on est rendu avec ce dossier-là? Je ne sais pas combien que de. Ça, par exemple, il faudrait que je vérifie là, si c'est exactement le même nombre, par exemple, de générateurs de vapeur et tout. Mais c'est sûr qu'il y a des composantes radioactives dans tous les réacteurs nucléaires, tous les réacteurs Candu. Et puis, c'est un vrai problème parce que les réacteurs arrivent en fin de vie utile. Hein, puis, il va falloir faire quelque chose avec eux. C'est ça. Ça va prendre de la place. On parle de déchets quand même très radioactifs. Écoute, très dangereux, là. Ça permet du recyclage. on va permettre une diminution des volumes, puis ça se peut que ça veut dire que ça va assouplir les normes au niveau de l'exposition du public. Il y a quelque chose là-dedans, en tout cas, moi, que je trouve... Très malsain. Très, oui, c'est le mot. Très malsain. Très, je ne comprends pas, puis moi, je ne vois que des intérêts financiers à court terme là-dedans. Je ne comprends pas qu'on néglige la dimension du risque pour la santé humaine. C'est pour ça, pour moi, c'est incompréhensible. C'est assez bien joué. Je pense que le mot est là. C'est vraiment incompréhensible pour, je dirais, des personnes qui ont une tête sur les épaules. À un moment donné, se demande si ces gens-là, il n'y a peut-être pas sur une autre planète. Ça, c'est incroyable. Je sais aussi qu'il y a des problèmes techniques, les retards majeurs. On parle pour la rénovation du réacteur là, à Pointe-le-Pro. Ici, au Québec, ça va être la même affaire. Je veux dire, le problème, c'est qu'on gagne combien d'électricité par rapport au coût que ça coûte, les risques incroyables. Moi, je trouve que c'est absurde. Ça, c'est clair. Juste dans le dossier, mettons, si on parle à la pente à Gentilly, regardez, Pointe-le-Pro, les données les plus récentes que j'ai. Mm-hmm. Pour le réacteur, la réflexion du seul réacteur qui est au Nouveau-Brunswick, le réacteur de Pointe-le-Pro, on prévoyait au départ 18 mois de travaux pour une facture de 1,4 milliard. OK. On est rendu à combien? Les travaux ont débuté en avril 2006 et ne sont pas terminés. Wow! En 2006? Okay. OK. On est rendu à combien? Les problèmes techniques, là, juste donner une petite idée, on va faire un petit, OK? Oui. Ottawa, au début 2010, a dû envoyer deux experts externes parce que ça ne va pas bien. Puis on parle d'un retard de 3 ans avec un dépassement de coût de 1 milliard sur un estimé initial de 1,4 milliard. Aïe, aïe, aïe, ça vient de doubler. C'est ça. Puis le pire, c'est pas ça, c'est qu'en novembre 2010, donc novembre dernier, à cause de la supervision, ils se sont aperçus que les nouveaux tubes qui avaient été installés dans les réacteurs ne sont pas assez bien au niveau des jonctions. En tout cas, c'est pas suffisamment étanche, donc tous les nouveaux tubes devront être retirés. Aïe, aïe, aïe. Puis ça, ce qu'il faut dire aussi là, dans ce dossier-là, c'est que les travailleurs qui sont là-bas sont exposés, bien, ils sont exposés, ils sont protégés, mais ils travaillent dans un milieu hautement radioactif. Oui, très à risque. Hein? Donc, c'est ça. Fait que ça veut dire que, moi, j'avais lu quelque chose d'un monsieur d'Hydro-Québec qui disait que, oui, mais s'il y a beaucoup de millisieverts, on va embaucher plus de gens, fait que chacun va être exposé à une dose plus petite. C'est comme ça qu'il parlait. On devrait l'envoyer, lui. Ben moi, je pense que ça devrait être lui qui fasse la job, effectivement, parce que faut pas oublier que quand on parle de Pointe-le-Pro, le travail près du cœur du réacteur, les travailleurs, d'ailleurs, ça avait été filmé, je crois que c'est l'émission Enjeu ou Découverte, on voyait même des gens au travail, ils avaient des dosimètres sur eux qui mesurent les niveaux radioactifs ambiants. Puis le résultat de la mesure du dosimètre, eux autres, ils étaient dans une espèce de cabine protégée par une couche de plomb. Puis il y avait des équipements adéquats. Puis leur dosimètre transmettait le résultat de la radioactivité ambiante aux 40 secondes. OK. Ça veut dire que une minute là, tu peux avoir une dose mortelle de radiation compte tenu de la radioactivité extrême du milieu. Puis comme la radioactivité est invisible, inodore, transparente, on ne peut rien faire. Si, mettons, au niveau de l'habitacle où ces travailleurs-là sont installés, mm-hmm. les autres, ils travaillent avec des bras mécaniques, ils travaillent à distance avec des appareils, mais même à ça, le niveau radioactif autour d'eux est trop élevé, c'est trop dangereux, donc ça prend plein de mécanismes de sécurité additionnels. Fait que si on repasse au cas de Pointe-le-Pro, si tous les tubes doivent être à nouveau retirés, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont travailler dans ce genre de milieu-là plus longtemps. Puis pour combien de temps? Après ça va durer, ça dure? C'est ça. Ils ont juste annoncé que les nouveaux tubes doivent être retirés. Puis là, je ne suis pas sûre, ça ne doit pas se faire en criant ciseaux, ce truc. En tout cas, parce que compte tenu des risques et tout, ça, c'est des détails que je n'ai pas. Même chose pour la centrale Bruce Power, où il y a deux, justement, les 16 générateurs proviennent de deux réacteurs en rénovation à la centrale Bruce Power au bord du lac Huron. Ils ont eu des travaux de rénovation aussi qui ont le coût estimé en 2005 était 2,75 milliards. OK. Et là, ils sont rendus avec une facture des dépassements de coûts, ils sont rendus à 4,8 milliards. C'est ça, ça double. Ça double à toutes les fois. Ici, au Gentilly, c'était estimé à combien, ce projet-là? C'était pas estimé comme Pointe-le-Pro, c'était pas tout à fait. Il estimait ça 18 mois de travaux puis une facture de 1,9 milliard. OK, 1,9, hein, pas loin de 2, ça, je me rappelais. C'est ça. Donc, on peut s'attendre facilement à ce que ça double. Mais on voit que tous les autres cas, on voit un doublement de coûts, presque. Un doublement, puis on n'est pas encore là, dit, OK, ça a coûté le double, puis c'est réglé. Là, ça a coûté le double, puis c'est pas encore réglé, là. C'est ça. C'est sûr qu'il y a un risque. C'est un risque. C'est incroyable. C'est un risque financier. C'est un risque sanitaire. Tu sais, on n'y pense pas, mais l'accident de Tchernobyl, là, comment ça vaut en fric, toutes les vies maganées, tous ça les pas gens? Pas de bon sens. Écoutez, on endommage l'héritage génétique qu'on a hérité depuis des millions d'années. Je veux dire, c'est incroyable. De toute façon, à court terme, on empoisonne la vie de beaucoup de gens. Mm-hmm. Ah, c'est incroyable. Juste à penser au dossier de Shannon, là. l'eau souterraine contaminée, là. Oui. Comment ça fait des problèmes? Puis il y a des gens qui ont qui vivent là-dedans puis ça ruine leur vie. Ouais. Est-ce que c'est acceptable? Non, je pense pas. Puis les gens, bien souvent, pour essayer de faire taire justement les personnes qui essayent d'apporter vers l'avant de l'information comme ça, puis quand je dis de l'information, on parle de des faits ici, ben là, des fois, on se fait oui. dire qu'on est anti-nucléaire ou quoi que ce soit, puis c'est mon Dieu, ça n'a rien à voir. Toujours, on attaque toujours le messager. Incroyable. Puis on est des. Comment. Souvent, moi, c'est ça, je suis tannée aussi. Oui, c'est oui. Quand les gens ont un discours qui prend fruit de l'environnement, on dit toujours les écolos fachos. Ouais, en tout cas, je suis. Comme si. Moi, ce que je trouve que les gens, il faut qu'ils se rappellent, c'est que l'environnement, l'être humain, nous, là, on est des filtres de l'environnement. Hein. Tu sais, on respire l'air, on boit l'eau. S'il y a des contaminants dans l'environnement, ça se retrouve dans notre sang. Oui, oui. Oui, oui. Ça, je pense que c'est important à ne pas perdre de vue, surtout dans un dossier comme ça, où on parle de relargage de produits toxiques pour si longtemps. Ah, ça n'a pas d'allure. Écoute, tu parles d'une demi-vie de 24 000 ans, puis après ça, les gens, ils. Ben oui, on va se dire après ça, c'est des antinucléaires. Écoute, je vais dire bien franchement aux auditeurs, ça n'a rien à voir être avec antinucléaire comme position de départ. C'est plutôt qu'on se rend oui, compte. Bon sens. Ben oui, c'est ça. C'est consternant. Je veux dire, on entend juste les données, déjà ce que tu viens de nous passer comme information. Je veux dire, c'est consternant. Les deux bras me tombent à terre, puis on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je veux dire, comme si on n'avait pas d'autre solution. C'est ça aussi qui est débile. Un peu à mon avis, c'est-à-dire que on est loin d'être mal pris, puis on a absolument besoin de ça, là. Je veux dire, on a des solutions qui sont bien, bien, bien plus sécuritaires que ça, là. Il n'y a pas raison de prendre de tels risques, à mon avis. Surtout au niveau, par exemple, de gentilité. On parle de la production de moins de 3% de l'électricité du Québec. Ben oui. Le pire, là, dans le dossier de gentilité aussi, quand on y pense, là, on regarde ce que coûte l'énergie qui va être produite par la Romaine. Puis on regarde le contrat qui a été signé entre le gouvernement Charest, le gouvernement du Québec actuel, puis le Vermont pour envoyer de l'électricité à un prix, je crois que c'était moins de 6 sous du kilowattheure, ben oui. Pour fermer leur centrale nucléaire. Nous, on paye déjà notre électricité, on est en augmentation depuis quelques années, ça augmente constamment. Ouais. On fait des développements à plus de 10 sous, puis on va rénover notre réacteur. Pour eux autres, hein, c'est. C'est quoi la logique? Il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas de sens. Ça ne tient pas compte du développement durable, ça ne tient pas compte du principe de précaution. Moi, je pense que c'est une. Écoutez, moi, je pense que c'est pas logique. Alors, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Parce qu'on voit maintenant qu'on a encore des résidus mesurables, des essais atomiques, atmosphériques qui se sont terminés quand même il y a quelques années maintenant. Puis il y a quand même des choses qui sont présentes dans l'environnement et qui sont mesurables. Alors, je me dis. Pourquoi en rajouter? Ben ouais. Pourquoi prendre plus de risques encore? Puis on sait qu'on est pris avec ça pour la rénovation. C'est la même affaire sur le continent européen. On arrive avec un paquet de centrales qui devraient être rénovées, qui sont trop vieillottes, et puis ça coûte des fortunes, donc les États ne le font pas. Donc les risques augmentent aussi d'avoir un accident général. Puis là, ben, écoute, avec une population massive. Écoute, Julie, on arrive pas mal à la fin de notre entrevue. Je sais que tu me parlais aussi qu'il était pour avoir des audiences, là. Très bientôt ici au Québec là, pour justement. Il y a des audiences ouais. La Commission canadienne de sûreté nucléaire. Il y a des audiences prévues sur justement l'autorisation de procéder pour le dossier de Gentilly 2. Ce serait le 14. Excusez-moi, ce serait. Les informations que j'ai, ce sont les 13. Ce serait les 13 et 14 avril 2011. Je ne sais pas, par exemple, si c'est à Bécancour, mais ce que je sais, c'est que les citoyens qui ont des informations particulières à apporter ou qui s'y opposent pour des raisons X ou qui ont une expertise quelconque peuvent soumettre des mémoires à la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour ces audiences-là. Puis les mémoires doivent être déposées d'ici le 14 mars à minuit. OK. Puis à ce moment-là, on peut participer un peu comme ce qu'il y a eu lors des audiences de septembre dernier concernant les générateurs de vapeur. Moi, je sais qu'en lisant les audiences, j'ai appris plein de choses très intéressantes. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne m'explique pas la décision de la Commission canadienne dans ce dossier-là, parce qu'il y avait des informations tellement intéressantes et pertinentes que écoutez, c'est comme si la Commission canadienne de sûreté nucléaire négligeait son mandat premier, qui est celle d'assurer la sécurité du public. C'est incompréhensible, la décision récente là, concernant les générateurs. Ça n'a pas vraiment grand sens. Est-ce que les gens peuvent s'exprimer par rapport à ça? Y a-t-il un moyen de s'opposer à ta connaissance? Je crois que oui, il y a moyen. On peut toujours communiquer avec son député, on peut communiquer avec la CCSN, j'imagine. Écoutez, je ne sais pas, il n'y a pas de forum particulier. C'est ça, on n'est même pas consultant en plus. Non, puis le pire aussi, c'est que quand la demande d'autorisation se fait à cause qu'il n'y avait pas de contenant réglementaire pour mettre les gros générateurs. D'accord. Il y a des gens de la CCSN qui ont dit que s'ils avaient eu un contenant d'un format correct pour ça, il n'y aurait pas eu d'audience égalité publique. Oh mon Dieu, t'imagines? C'est incroyable. Bon, Julie, c'est des informations, hein. Il faut se manifester. Moi, je dis que ouais. Les gens qui se sentent interpellés par cette question-là, il faut qu'ils réagissent, qu'ils le manifestent. Je ne sais pas où, franchement. Là, moi, je sais que j'écris des fois des lettres aux journaux. Mais il y a des groupes, il y a le mouvement Sortons le Québec nucléaire. Il y a des groupes, en tout cas, qui existent. Il y a des élus qui sont actifs. Il y a beaucoup de maires actuellement qui réagissent. Mm-hmm. Qui s'opposaient au passage sur le Saint-Laurent de ces générateurs de vapeur. Je comprends. Moi, je sais. Ils savent que les 16 générateurs, dans ce cas-ci, ne correspondent qu'à 2 réacteurs nucléaires. Au Canada, il y en a 22. Aïe. Si on permet ça, là, ça va être quoi la suite? Non, c'est ça. J'aimerais suggérer à tous ceux qui écoutent l'émission qui sont concernés par ça, justement, de pas nécessairement attendre, je veux dire, qu'il y ait un groupe ou quoi que ce soit. C'est passer des coups de téléphone, appeler les médias. Je veux dire, je pense que c'est une question de conscience pour les générations futures. C'est incroyable. Bon, c'est génial. Et puis, je suggère aussi, évidemment, aux auditeurs qui voudraient en apprendre plus pour pouvoir s'armer d'informations, pour pouvoir discuter de ça, de justement se procurer ton livre. C'est pas pour faire de la publicité, mais réellement, il est tellement bien écrit, puis il y a tellement d'informations incroyables là-dedans. Je répète le titre, Avez-vous peur du nucléaire? Chez les éditions Multimonde. Alors, réellement, allez-y, puis... Non, il faut bloquer ça justement. On n'est pas encore au point où Gentilly est encore officiellement entrepris. Donc, puis le transport des matières dangereuses, il faut vraiment se préoccuper de ce dossier-là, autant que les fameux gaz de schiste aussi, là, qui est tout un autre volet. C'est assez incroyable. Écoute, Julie Lemieux, je te remercie énormément pour ces informations apportées, cette mise à jour là, de ce dossier-ci nucléaire. Et puis, écoute, continue d'informer les gens. Tu fais un travail vraiment salutaire et très nécessaire. Il n'y a pas grand monde qui ose le faire. Et puis, c'est tout à ton honneur, Julie. Alors, mes félicitations. Puis, merci de nous avoir accordé cette fantastique petite entrevue. Ça me fait plaisir. Bon, ben, à bientôt. Bye-bye. Au revoir. Bye. Dossier nucléaire classé. Alors, restez à l'affût, chers auditeurs, et puis manifestez-vous. Je veux dire, ne restez pas silencieux. C'est des choses qui nous concernent et qui concernent les générations à venir pour des milliers d'années, littéralement. Donc, les décisions qu'on va prendre aujourd'hui vont avoir des répercussions à extrêmement long terme. Et disons que votre voix n'est pas futile dans ces dossiers-là. Ne croyez pas ces mensonges qui tendent à vous faire à croire que vous êtes impuissant puis que vous ne pouvez rien changer. Alors manifestez-vous, appelez les autorités, appelez les journaux, écrivez des articles, partez des blogs, faites des pressions, participez à tout ce que vous pouvez pour justement faire arrêter cette démence. Donc, parlant de démence, on va continuer avec nos nouvelles de l'actualité. Vous allez voir, il y a toutes sortes de trucs assez troublants et puis ben, il faut en parler. Donc, d'un côté, vous savez, il y a le dossier des révolutions. On va y revenir un peu plus tard dans l'émission aussi. Ça continue de bouger dans une multitude de pays, dont l'Algérie. Vous avez vu aussi Moubarak quitter l'Égypte. Alors, l'émission de la semaine passée était consacrée à François Asselineau. Donc, on n'a pas pu vous maintenir au courant de tous les développements, mais il s'en est passé énormément les 2 dernières semaines. D'ailleurs, en passant, je tiens à rappeler aux auditeurs qui ne l'auraient pas encore entendu, réellement, je vous invite fortement à aller écouter l'entrevue qu'on a eue avec François Asselineau, qui est inspecteur général des finances en France et puis qui est futur candidat aux présidentielles françaises de 2012. Donc, ça, c'est une entrevue qui risque d'ouvrir les yeux à plusieurs et puis qui révèle des informations très importantes et puis qui apporte vraiment là un souffle nouveau, je crois, qui s'imbrique un peu dans ce mouvement de révolution contre les tyrannies. Et puis ben, vous avez des personnes qui vont se présenter de plus en plus, des personnes d'une intégrité impeccable et puis des personnes qui ont vraiment à cœur les intérêts du peuple au lieu d'avoir les intérêts d'une élite qui est au pouvoir, du pouvoir établi. Alors, vraiment une personne qui sort de l'ordinaire, François Asselineau, vous invite fortement à aller écouter ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, nous, on poursuit. Pourquoi je disais la démence? Ben, écoutez, vous savez, vous avez des nouvelles assez incroyables, là. Alors, ce qui arrive, c'est que ben, vous avez sûrement entendu parler de Bush qui a décidé de ne pas se rendre en Suisse dernièrement parce que il y était accusé de crimes de guerre. Alors, vous savez, la réalité commence à rattraper ces criminels de guerre. J'ai nommé les fameux George Bush, Tony Blair, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, toute cette gang de gens qui ont parti une guerre illégale, une guerre d'agression contre l'Irak en 2003. Et non seulement des guerres d'agression, mais en plus, on a tout simplement autorisé la torture. Alors, on commémore un triste anniversaire. Ça fait environ 9 ans maintenant que l'administration Bush a décidé que les lois internationales ne s'appliquaient plus aux prisonniers de guerre. Et ça a été un moment assez historique au niveau de l'histoire américaine qui a résulté en fait que on a changé la politique vis-à-vis de la torture et puis qu'on l'a tout simplement admis, on l'a utilisé de façon outrageuse, systématique et massive. Et puis, ben, vous avez ces gens-là qui sont encore là en train de se promener en pleine liberté dans le monde. Alors, c'est assez incroyable, 9 ans après. Alors, ça aussi, là, c'est absolument dérangeant de voir ça. On a tout simplement décidé de jeter la Constitution dans les poubelles, hein, le Bill of Rights aux États-Unis. On a tout simplement tout mis ça à la poubelle. Et puis, on a commencé à utiliser, mon Dieu, forcer des confessions, toutes sortes de trucs comme ça à travers la torture. C'est vraiment hallucinant de voir ça. Donc, allez voir ça. On risque même, ici, on parle d'une autre nouvelle, de donner un prix à Donald Rumsfeld. Alors, le criminel de guerre Donald Rumsfeld, qui lui aussi a servi énormément, était un des acteurs principaux pour partir cette guerre-là, qui a facilité cette guerre d'agression contre l'Irak en 2003. Et puis là, ben, comme on a fait avec Obama, vous savez, Obama, on lui a donné sa médaille, son prix Nobel de la paix. On a donné une médaille à Bush. On donne des médailles comme ça à tous les criminels de guerre. Et puis là, ben, c'est Donald Rumsfeld qui risque de recevoir très bientôt un prix, alors qui signifie, en fait, c'est assez incroyable, là, c'est un prix qui signifie son statut comme un défendeur de la Constitution. Imaginez un défendeur de la Constitution. C'est assez incroyable de voir ces gens-là qui devraient être tout simplement traînés en cours en long et en large pour leurs crimes de guerre. Et puis, ces gens-là, finalement, non seulement ne sont pas en prison, ne sont pas jugés pour leurs crimes de guerre, mais on leur donne des médailles, on leur donne des trophées, on leur donne des prix. C'est absolument débile, absolument débile. Et puis, qu'est-ce que l'administration Obama fait? Ben, elle apparaît tout simplement bien motivés de continuer l'institutionnalisation de la torture, de la détention indéfinie des prisonniers de guerre. On est en train de tout simplement détruire, déchirer la Constitution aux États-Unis. Et puis, il ne semble qu'aucune poursuite judiciaire ne va être entreprise aux États-Unis. Alors, c'est assez incroyable. Obama, lui, qui a même aussi averti les Palestiniens de répercussions si la base allait aux Nations Unies pour présenter une motion contre finalement l'expansion des établissements, des colonies illégales en territoire occupé. Alors, un territoire tout simplement qu'on a pris aux Palestiniens sur lesquels on construit des établissements, on construit des maisons, on construit des villes au complet, où on met après ça des colons israéliens et puis qu'on chasse les Palestiniens de leur terre. Alors, quelle est la seule nation qui a posé son droit de veto contre cette motion des Nations Unies? Ben, j'ai nommé le président Barack Obama. Et non seulement M. Barack Obama a poussé cette honte à des niveaux incomparables, mais il est allé même jusqu'à avertir l'autorité palestinienne de répercussions s'il poussait un vote contre ces occupations, cette expansion des colonies illégales, des colonies dans les territoires occupés. Alors, en Palestine, c'est assez incroyable de voir ça. Et puis, vous avez une genre de chasse aux sorcières qui est entamée aux États-Unis. Vous avez le néocon David Horowitz, lui qui a nommé Ron Paul et puis ses supporters comme étant des antisémites vicieux. Alors, voilà qui est assez incroyable aussi. Vous avez d'ailleurs Ron Paul, lui qui a gagné deux votes de confiance là, au CPAC, là, donc sont en train de. C'est quoi ça aux États-Unis? C'est en fait les républicains qui votent pour, si vous voulez, leur leader qu'ils croient le meilleur. Et puis, ça fait deux années d'affilée que Ron Paul le gagne. Ron Paul, lui, qui a mis tout son soutien pour terminer, pour mettre la clé dans la Fédérale Réserve, la Fed aux États-Unis. Alors, c'est assez incroyable. Donc, vous voyez, des gens comme ça ne sont pas gênés pour parler et disent la vérité. Ron Paul, qui voudrait fermer toutes les bases militaires à travers le monde, faire cesser tous les conflits militaires dans lesquels les Américains sont impliqués. Et puis, évidemment, que Ron Paul aussi n'est vraiment pas soumis au lobby israélien, l'AIPAC. Et puis, à ce moment-là, ben lui, il va recevoir les foudres et puis il va se faire appeler de toutes sortes de noms. On va l'appeler antisémite, on va le nommer de toutes sortes de trucs. Alors, c'est assez spécial. Donc, on l'appelle même un anti-américain. C'est assez incroyable. Donc, voilà. Horowitz, là, qui est en train de vomir ces montagnes de mensonges pour essayer de démoniser Ron Paul. Alors, c'est assez incroyable. Non seulement Ron Paul, mais aussi tous ses supporters comme étant anti-juifs. Alors, c'est comme ça qu'on essaie d'intimider les gens, hein? Donc, allez voir ça. Vous avez l'article que je vous ai laissé en lien pour aller le lire par vous-même. C'est assez spécial de voir ça. Vous savez, Jimmy Carter, lui, qui a été traîné en cour pour 5 millions pour avoir critiqué Israël aussi. Alors, Jimmy Carter, qui est l'ancien président américain. Alors, ça aussi, là, c'est une autre histoire qui va dans le même sens. On a ici un avocat israélien qui a lancé cette poursuite contre Jimmy Carter pour 5 millions de dommages à cause qu'il a écrit son livre qui s'appelle Palestine, la paix et non l'apartheid. Il a nommé Israël d'un État d'apartheid pour sa politique incroyable imposée contre les Palestiniens. Alors, ça, c'est le prix pour dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, l'État d'apartheid, c'est pas un terme qui est trop vicieusement choisi. Vous avez même, vous savez, une étude qui a été faite par des juristes internationaux spécialisés en loi internationale, dont des gens de l'Afrique du Sud qui ont subi l'État d'apartheid. Et on a établi, sans l'ombre d'un doute, bien que ces deux types d'États d'apartheid, parce que vous savez, l'État d'apartheid en Afrique du Sud comprenait certains aspects, comportait certains, je dirais, certaines caractéristiques particulières à ce qui s'est passé là-bas, qui sont un peu différentes de celui qui se passe au niveau du Moyen-Orient avec Israël et la Palestine. Sauf que vous avez ces gens-là qui ont subi l'état d'apartheid, qui d'ailleurs recevaient tout le soutien israélien à l'époque, et puis qui regardent maintenant ce qu'Israël impose comme condition de vie, comme punition collective, comme contrôle total de la vie, de tout ce qui se passe, de tout ce qui rentre et sort de Gaza et du reste de la Palestine. Et ils ont vu tous les signes sans équivoque d'un état d'apartheid. Okay? Alors, on se fait traîner en cour pour ça, on se fait traîner d'anti, on se fait traiter d'anti-juifs, d'antisémites, de racistes, de n'importe quoi. Et puis ça continue. Vous avez même le fameux cas de la plus vieille correspondante à la Maison-Blanche. Je ne me rappelle plus pour quel organe de télévision elle travaillait exactement, quel organe de médias. Hélène Thomas, okay, qui a travaillé là jusqu'à passer l'âge de 80 ans et qui a eu le malheur à un moment donné de dire que justement les Israéliens devraient sortir des territoires occupés, devraient simplement évacuer la place. Et puis là, on l'a traité d'antisémite de tous les noms. Elle a perdu son travail instantanément. Une ancienne, une vétérante, qui a travaillé pendant des décennies à couvrir ce qui se passe à la Maison-Blanche. Et puis elle, ben, ne s'est pas mise à genoux, elle a continué à parler, elle a continué à se défendre, et puis évidemment, elle s'est rendue compte de la puissance du lobby israélien, de l'AIPAC, de tous les autres, JINSA, etc., etc., aux États-Unis, et puis elle s'est rendue compte que le simple fait de critiquer honnêtement et légitimement les politiques de l'État d'Israël, ce n'est pas toléré. Et puis, vous risquez tout simplement de perdre votre carrière et de vous faire étiqueter de toutes les pires choses pour finalement vous humilier et puis carrément vous détruire sur la scène publique. Alors, ça, c'est comme ça que ça se passe, et puis ça arrive même à des anciens présidents des États-Unis, plus vieux correspondants de la Maison-Blanche, des gens comme Ron Paul. Ça va continuer en allant de pire en pire si justement on ne s'y oppose pas. Vous avez aussi Ray McGovern, un ancien analyste de la CIA, très important, le monsieur. Il a travaillé même auprès des présidents américains. Le gars, il a travaillé comme analyste à la CIA pendant 27 ans, un ancien vétéran de guerre, un ancien officier. Un monsieur aussi qui n'a pas la langue dans sa poche, dit les choses telles qu'elles sont, s'est retrouvé à un speech de Hillary Clinton, qui, elle, était venue parler de liberté d'expression. Imaginez, ça, c'est incroyable. Et puis lui, en signe de protestation, s'est tourné. Alors, il lui a présenté son dos pendant qu'elle parlait. Lui, il était dans la petite audience qui était là. Il n'a pas dit un mot, complètement silencieux. Et puis, pendant qu'Hillary Clinton parlait de liberté d'expression, eh bien, lui, il a été brutalisé, battu. On l'a laissé tout simplement dans son coin, en train de saigner. Et puis, ben voilà quoi. Ça, c'est les États-Unis. Alors, arrêtez. Et puis battu pour s'être tenu là debout silencieusement. Incroyable. Allez voir les photos de ça, les articles. 100% de preuves que McGovern ne nuisait même pas à Hillary Clinton, n'a même pas crié, n'a même pas rien fait. Alors, c'est assez incroyable. Confirmé, le FBI a reçu des avertissements le jour d'avant l'attaque terroriste d'Oklahoma City. Alors, ça aussi, c'est une histoire assez incroyable. Qui continue de se dérouler. Alors, ces fameuses attaques terroristes qui, finalement, sont des inside jobs. Vous avez le FBI qui était au courant. Non seulement le FBI était au courant, mais pilotait celui qui se trouvait à être sur les lieux qu'on a accusé, qu'on a d'ailleurs tué, Timothy McVeigh. Et puis, un autre qui aurait été impliqué, Terry Nichols, qui, lui, est encore vivant. Mais emprisonné. Et puis, on a des documents maintenant qui ont été relâchés par l'avocat qui s'appelle Jesse Tretendu de Salt Lake City et qui, lui, s'est battu pendant une quinzaine d'années pour essayer de faire finalement ressortir la vérité par rapport à ça parce que lui, son frère, a été torturé à mort. Alors qu'on l'a confondu pour une autre personne. Et puis, ben, il se trouve que finalement, on est pas mal proche d'avoir les preuves finales que l'attaque sur le Alfred P. Murrah Building était une inside job qui était dirigée par des agents du FBI qui, eux autres, pilotaient à distance Timothy McVeigh. Alors, c'est assez incroyable. Allez voir ça, des nouvelles très importantes dans nos oreilles, ces fameuses menaces terroristes. Bien souvent, ils viennent de l'intérieur, des services secrets, du FBI, du gouvernement lui-même. Ça arrive de façon continue. D'ailleurs, vous avez une autre nouvelle ici qui est sortie où on apprend que le terroriste qui a fait exploser les bombes dans le fameux métro de Londres, on se rappelle, je me rappelle bien, c'était en 2005, eh bien, il travaillait pour le gouvernement américain. Alors, ça aussi, c'est des nouvelles qui sont sorties. On avait encore là blâmé ça sur le dos de radicaux islamiques. Et puis là, on se rend compte encore là que ces gens-là avaient été entraînés par des informateurs américains. Et puis, ben voilà quoi. Donc, c'est d'autres trucs qui ressortent. Alors, pour tous les détails, là, allez voir ça. Moi, je vous survole ça très rapidement, là. Mais les documents sont là. Donc, allez voir ça. C'est vraiment des nouvelles très importantes parce qu'après ça, quand vous allez avoir la prochaine attaque terroriste, ben, vous allez avoir un certain mécanisme de protection mentale, hein, un certain firewall, un mur de feu pour vous protéger contre la manipulation et vous allez chercher les traces qui vont mener au vrai perpétrateur. Une nouvelle, et ça assez troublante, qui a été publiée dans le Daily Mail, on apprend que la prochaine génération des tasers pourrait être utilisée dans les prisons et puis même à s'en servir dans les prisons. C'est un genre de nouveau faisceau laser. On essaye de tester ces trucs-là. Vous allez voir une vidéo même à l'intérieur de l'article où on voit les policiers qui l'utilisent, le testent sur eux-mêmes. Alors, c'est un genre de faisceau laser qu'on va utiliser pour contrôler les batailles et puis, bon, peu importe là, les soulèvements qui pourraient se produire là, dans les prisons et qui, finalement, brûlent d'une certaine façon les prisonniers. Alors, ça aussi, ça c'est incroyable, un genre de machine comme ça qu'on appelle des Assault Intervention Device, alors le AID, qui émet un faisceau laser invisible qu'on est capable de déclencher, alors qui donne une sensation de brûlure très, très douloureuse, qui apparemment ne brûle pas réellement, qui se retrouverait être un nouveau type de fusil, de pistolet, taser. Alors, on est en train de tester cette machine dans un centre de détention aux États-Unis, en Californie, et on est en train d'essayer d'avoir le feu vert pour justement les commercialiser, puis les utiliser un peu partout. Et le manufacturier de ça, c'est Raytheon, ben oui, Raytheon, une firme, okay, qui produit la technologie qui s'appelle le Silent Guardian Machine, qui est utilisée et vendue actuellement, présentement, à l'armée américaine qu'on utilise dans les théâtres de guerre comme au Moyen-Orient. Alors imaginez, si vous comprenez bien le concept, c'est que vous avez ces manufacturiers de la mort, ces manufacturiers de l'armement comme Raytheon, qui eux autres développent de la technologie pour les guerres, pour le front, pour les théâtres de guerre où on combat des ennemis. Et vous avez l'armée américaine qui s'en sert. Et là, on est en train de faire des versions de ces trucs-là, maintenant qu'on voit que ça fonctionne bien, pour s'en servir contre les détenus ici dans les prisons en Amérique du Nord et éventuellement dans les rues aussi. Alors, ça, c'est, je dis éventuellement, on s'en est servi, même on a vu ces trucs-là déployés dans les derniers sommets du G20. Alors, ce que vous voyez déployé dans ces manifestations-là, on essaye de tout simplement contrôler la foule qui, elle, n'est même pas consulté avant qu'on passe des régimes économiques qui sont dévastateurs pour l'économie, ben on utilise ces trucs-là qui sont utilisés dans le théâtre de guerre contre la population à la maison. Alors, pensez au concept assez spécial. Aux États-Unis, on apprend par AFP et différents organes de nouvelles que là, on fait apparemment face à une menace très élevée d'attaque terroriste. Alors, c'est pour ça que je tenais aussi à vous parler de ces articles précédents. Si on ne passe pas le Patriot Act là-bas. Donc là, on dit qu'on est en train d'atteindre des sommets assez élevés. Là, l'alerte est rouge. Là, on hallucine. On pense qu'il va y avoir des attaques terroristes aux États-Unis. On dit que la menace n'a pas été aussi élevée depuis les attaques du 11 septembre 2011. Alors ça vient de la tête du Homeland Security. OK, donc, voyez, là, on est en train d'épeurer la population comme dans le temps de Bush où on avait ce fameux indicateur de menace là, qui passait de jaune à orange-rouge. Et puis là, on est en train de vous servir la même pâte, la même histoire. C'est assez incroyable. On dit que la menace terroriste aux États-Unis n'a jamais été aussi élevée. Ça a été aussi rapporté par la BBC. C'est Janet Napolitano qui a parlé de ça. Alors, allez voir ça. C'est assez incroyable. Oubliez l'économie, oubliez les scandales, justement, des saisies financières, des saisies immobilières aux États-Unis. Oubliez la pauvreté, les sans-abri, la famine qui est en train de sévir aux États-Unis. Vous avez 40 millions de personnes qui sont sur l'aide alimentaire. Il ne faut pas non plus penser à Wall Street qui est en train de vider les coffres de l'État au complet, qui est en train de jeter l'économie. Pensez pas à ça. Ne pensez pas aussi non plus au désastre pétrolier dans le golfe du Mexique. Ne pensez pas au gouvernement qui a menti à propos des armes nucléaires que Saddam Hussein possédait, parti d'une guerre complètement illégale. Ne pensez pas au taux incroyable de chômage. Ne pensez pas à n'importe quoi d'autre, là. Tu sais, au 911, le TWA 800, JFK, RFK, MLK, Oklahoma City, et puis tout le reste, là, pensez pas à ça. Pensez pas, tu sais, au fait, là, que la TSA aux États-Unis, dans les aéroports, font des photographies pornographiques de vos enfants, touchent vos femmes. Réellement, là, hein, ne pensez pas à ça. La seule affaire qui est vraiment importante, la seule affaire qui vaut la peine de penser, c'est l'Al-Qaïda, la menace terroriste. Bouh! Il faut faire peur à la population. C'est incroyable. Il faut avoir peur des terroristes. Ils sont cachés un peu partout. Hein. Ils sont dans vos pantalons, ils sont dans vos soutiens-gorge, ils sont dans votre portefeuille, ils sont dans le placard, ils sont cachés partout dans votre maison puis au coin de la rue. C'est incroyable. Vous avez le FBI qui a déclaré qu'il y avait 100% de chance d'une attaque avec une arme de destruction massive sur le territoire des États-Unis. Ça vient du docteur Vahid Majidi, l'assistant directeur du FBI qui est en charge là, des armes de destruction massive, là, donc de ce dossier-là. Alors, c'est assez incroyable. Donc, vous voyez, là, ça continue. On n'arrête pas d'essayer d'épeurer la population. Est-ce qu'on est en train de préparer justement la population à une fausse attaque terroriste? Donc, ça, c'est très important à avoir en tête. C'est pour ça que je vous parle de toutes ces nouvelles-là. OK? Et puis, bien sûr, si pour y avoir une attaque nucléaire à l'intérieur des États-Unis, ben ça prouve justement que tous ces départements-là, de la CIA, du FBI, de la TSA, du département du Homeland Security, toutes ces mesures de sécurité liberticides à l'état policier, type tyrannique, totalitaire, eh ben n'ont servi absolument rien. Ces milliards de dollars-là qu'on a investis pour supposément protéger les Américains et assurer la sécurité n'ont servi absolument à rien. OK? Peut-être que la seule façon d'arrêter le terrorisme, ce serait peut-être d'arrêter justement, hein, de se rendre dans les pays étrangers et puis de bombarder les gens, les civils, de tuer toutes sortes de personnes, des innocents. Peut-être que ça serait une bonne idée. Alors, allez voir ça. Donc, évidemment qu'on essaie d'épeurer la population. On essaie justement de faire peur aux gens pour justifier de remettre en place les clauses du Patriot Act qui sont venues à échéance, alors on doit les remettre en place. Ça n'a pas passé une fois, on est en train de les réintroduire. Et puis, ben écoutez, c'est l'Al-Qaïda, quoi. Il faut faire. Hey, Bin Laden, man. Lui, il se promène avec sa grande moustache là, sur Wall Street, puis avec un gros paquet de bombes dans son dos. Et puis, c'est dangereux, l'Al-Qaïda. Il faut faire attention, là. Vraiment, là, c'est important là, de faire dans ses culottes. OK? Parlant de nouvelles troublantes, ici, ben écoutez, là, on apprend d'un officier portuaire. Ça aussi, là, vous avez des vidéos, ça vient de des grands médias, donc tout documenté, allez voir ça. C'est incroyable. On a réussi à arracher de la bouche de cet officier qui protège, qui s'occupe de la sécurité dans les ports aux États-Unis, qu'on aurait trouvé justement. Un truc nucléaire, peut-être une bombe nucléaire, une affaire comme ça. On ne sait pas trop si ça se trouve être une sorte de jeu psychologique qu'on essaie justement de faire sur la population, essayant de les inquiéter ou c'est réel. C'est assez difficile de déterminer ça dans le contexte actuel des choses. Sauf que vous avez cet assistant-là au directeur au portuaire qui s'appelle Al Haller, qui lui a déclaré ouvertement qu'une agence gouvernementale qui n'a pas été nommée aurait trouvé une arme nucléaire ou une arme de destruction massive dans un des ports américains qu'on n'a pas nommé durant l'année qui a passé. Alors, voilà qui est assez particulier. Vous avez le Homeland Security qui a nié cette histoire-là. On a dit que la personne qui a déclaré cette affaire-là était trop nerveuse lors de l'entrevue. Alors, on a dit que finalement, il n'y a rien qui a été réellement trouvé. Donc, je vous laisse penser à ça. Allez voir ça. C'est assez particulier. Est-ce qu'on est en train de justement préparer la prochaine attaque terroriste aux États-Unis, la fausse attaque terroriste, l'attaque faux pavillon, false flag terror attack? Allez voir ça. Je ne sais pas. Sauf qu'il y a des indices qui commencent à penser, qui portent à croire finalement qu'il y a de quoi qui est en train de se passer, puis qu'on est peut-être sur le bord de créer une fausse attaque terroriste blâmée sur peut-être l'Iran, sur la Chine, peu importe, on va voir. Espérant que ça ne va pas se produire pour de vrai, mais vous avez ces articles-là, en tout cas-là, qui laissent planer un certain doute. Ensuite, ben, vous avez des manifestations qui font rage au Wisconsin, aux États-Unis. Vous avez différents syndicats de travailleurs là-bas qui s'opposent au gouvernement, à l'État. Et puis, ben là, vous avez le gouverneur, lui, qui a menacé de faire appel à la garde nationale pour contrer les manifestants, les travailleurs. Alors, voilà qui est assez particulier aussi. Voyez un peu la nature de la situation aux États-Unis. Alors, finalement, on est en train de vous dire, grosso modo, là, que au Wisconsin, on est prêt à faire appel à l'armée pour contrer les protestations, les manifestations de travailleurs et d'unions de travailleurs, de syndicats. Alors, c'est quand même assez particulier. Se pourrait-il que la révolution soit juste arrivée aux États-Unis? Alors, ça reste à voir. Le gouvernement américain, lui, qui ferme 84 000 sites Internet par erreur, dit-on. Alors, le gouvernement américain qui a continué, lui, à fermer plusieurs domaines sur l'Internet les dernières semaines. Et puis là, on a appris que le département de la Justice et puis le Homeland Security ont annoncé avec grande fierté qu'ils ont saisi des domaines reliés à des biens qui sont contrefaits et aussi à de pornographie infantile. Sauf que ce qu'ils ont oublié de mentionner, c'est qu'un des domaines qui a été ciblé appartenait à un serveur DNS qui était gratuit, et puis que 84 000 sites Internet y étaient liés. Alors, quand on a fermé ce site-là qui a été faussement lié à de la pornographie infantile, eh bien, on a fermé 84 000 sites aussi en même temps. Alors, imaginez, ça c'est incroyable parce que là, tous ceux qui se sont retrouvés affiliés à ce serveur-là, qui a été faussement accusé d'un crime, disons-le, assez grave de pornographie infantile, eh bien là, se sont retrouvés avec une page du Homeland Security officiel. Alors, c'est comme si les gens voulaient accéder à votre blog, et puis votre blog qui parle de n'importe quoi, de l'automne, qui parle de vêtements, de bottines, qui parle d'enfants, de bébés, de lait, de croustilles, peu importe, de votre vie personnelle. Eh bien là, soudainement, vos visiteurs se sont butés à une page officielle du gouvernement disant que votre blog a été coupé à cause qui enfreignait la loi de la pornographie infantile. Imaginez, surtout que c'est faux en plus. Eh bien, imaginez l'effet que ça fait, l'entachement, hein, à votre réputation qui est là. Et puis, ben écoutez, c'est assez incroyable, là, je veux dire, aux États-Unis, là, c'est un crime qui est passible de 30 ans d'emprisonnement et de 250 000 $ d'amende, OK? Donc, vous voyez, c'est assez particulier. Alors, allez voir ça, une nouvelle assez particulière. Donc, ça continue aux États-Unis. On continue de mettre la main et puis de fermer des sites Internet. Alors, vous avez vraiment le Homeland Security qui a déclaré la guerre. Déclarer la guerre à l'Internet réellement. Là, on parle de terroristes, de homegrown terroristes, là. Donc, on parle de terroristes là, qui, si vous voulez, qui sont grandis à l'intérieur des pays, qui sont, selon le Homeland Security, qui carburent, si vous voulez, à l'Internet réellement, là, qui prolifèrent à cause de l'Internet. Alors, on est en train de démoniser ici l'Internet. C'est assez incroyable. C'est vraiment une propagande incroyable, justement, pour essayer de démoniser l'Internet et puis justifier toutes ces mesures totalitaires qu'on est en train de plus en plus là, faire subir à l'Internet. Donc, Donc, des nouvelles très importantes. Obama, lui, qui a lancé un nouveau système de médias. Alors, ça aussi, une nouvelle très incroyable. Ça nous vient du Washington Post, qui décrit ça d'ailleurs comme étant complètement et directement sorti du livre de 1984 de George Orwell. On apprend que la FCC a approuvé un système d'alerte présidentielle et puis que les présidents comme Obama maintenant pourraient apparaître sur votre télévision ou ben non, sur votre téléphone cellulaire et puis apparaître directement, interrompre la transmission, interrompre votre appel téléphonique, zoup, arriver quand le gouvernement juge nécessaire pour vous avertir que là, il y a une attaque terroriste ou peu importe, il y a une menace qui pèse sur les États-Unis. Alors, le gouvernement qui est en train de vouloir prendre le contrôle de votre bande passante Internet dans le cas d'une supposée attaque terroriste. Alors, imaginez un système qui rentrerait dans votre ordinateur ou dans vos appareils sans fil et puis qui diffuserait des annonces, on pourrait dire des annonces de propagande présidentielle. Des rapports du FEMA qui seraient appelés, qui feraient partie d'un système qui s'appelait des Imminent Threat Alerts et puis Amber Alerts. Alors, n'est-ce pas assez incroyable? Alors, vraiment, George Orwell, qui était un auteur brillant, mais non seulement a été brillant, mais qui, avec les années, s'est retrouvé à éprouver comme étant vraiment un prophète. Vous avez le FBI aussi qui a poussé le Congrès à donner plus d'expansion au programme d'écoute, de surveillance électronique sur l'Internet. Alors, on veut avoir plus de pouvoir pour faciliter les autorités, faciliter le travail aux autorités à faire de l'écoute électronique sur l'Internet. Alors, ça aussi, ça continue. Donc, ça, c'est incroyable. Vous avez même ici un autre moteur Internet qui s'appelle le Spokio, qui lui se spécialise dans l'organisation de vastes quantités de données personnelles, mais qu'on retrouve sur l'Internet, et organiser ça en algorithme pour faire en sorte que les gens soient capables d'arriver et puis de trouver une page sur vous et puis de collecter toutes les informations, les photos, tous les liens qui se rapportent à vous. Alors, vous avez un truc ici sous cet article-là pour justement vous désinscrire de ça. Donc, allez voir ça. Ensuite, vous avez ici un article intéressant justement sur comment choisir des mots de passe plus sécuritaires. Alors, ça aussi, c'est peut-être aussi anodin un peu comme truc, mais vous savez, un mot de passe qui contient seulement que 6 lettres dans des lettres minuscules ne prend qu'environ 10 minutes à un hacker pour être craqué, pour être finalement mis à découvert, selon les statistiques qui ont été colligés par Bloomberg Business Week. Alors, on a trouvé aussi que justement, si les gens prenaient un peu plus de temps et puis composaient, par exemple, un mot de passe qui contenait 9 lettres, eh bien, en incluant aussi soit des chiffres ou des symboles, ou en mettant une lettre majuscule, prenait à ce moment-là 44 530 ans en moyenne à briser. Alors, le code prendrait au-dessus de 44 000 ans à briser. Alors, allez voir ça. Je vous ai laissé quelques petites statistiques ici assez intéressantes, à savoir la grandeur, la taille là, d'un mot de passe, alors qu'on passe de 6 à 7 à 8 à 9 caractères en incluant déjà. Bien souvent en incluant une lettre majuscule ou quelques lettres majuscules et minuscules, en incluant des chiffres ou un symbole, comment qu'on vient augmenter le temps nécessaire au hacker pour finalement trouver, déterminer quels sont vos mots de passe. Alors, ça a été rapporté par le Daily Mail. Une nouvelle ici assez intéressante, je ne sais pas si ça va se passer, mais le truc est assez intéressant. C'est un groupe de charité qui s'appelle Human Rights, qui a déclaré la semaine passée planifier acheter un satellite qui, à ce moment-là, donnerait un accès à l'Internet gratuit, alors un certain service de base à tous les pays en développement à travers la planète. Alors, on est en train de faire une levée de fonds pour mettre la main, pour acheter un satellite et puis à ce moment-là à pouvoir apporter l'Internet gratuit à tous les habitants de la planète. Alors voilà une chose qui aurait dû être faite depuis longtemps, mais vous savez, les compagnies, elles préfèrent faire de l'argent, alors on charge des prix de fou pour l'Internet. Et puis, là, vous savez, l'Internet, ça devient de plus en plus vraiment là un truc de base qui devrait être garanti à tous les humains sur la planète. Ouais. Ensuite, on parle ici de les agents de la TSA aux États-Unis. On parlait de ça. La TSA, c'est quoi? C'est ces fameux agents qui assument la sécurité dans les aéroports aux États-Unis. On en a beaucoup parlé ici à l'émission. Si vous en manquez les émissions qui parlaient de ça, ben, je vous réfère à ces émissions-là pour en connaître un peu plus. Ben là, écoutez, on a arrêté deux agents de la TSA qui ont été arrêtés à l'aéroport de Kennedy pour avoir volé plus de 39 000 $ d'un passager, d'un sac de passagers. Alors, c'est assez incroyable. On parle ici de Kumar Persad et Davin Webb qui ont admis avoir volé pour plus de 160 000 $. C'est assez révélateur. Donc, voilà, on est là pour assurer votre sécurité. On prend des photos de vous à nu avec ces fameux scanners corporels dans les aéroports. Si vous les refusez, ben là, c'est la fouille manuelle. On vous file vraiment là un test complet. On vous palpe à la grandeur, vous, votre femme, vos enfants. C'est assez incroyable. Et puis, on retrouve des gens qui se retrouvent dans ces fameux. Dans ces fameux aéroports où ils en profitent, ils profitent de leur position de pouvoir pour voler les gens et puis pas voler les gens légèrement. Je veux dire, on parle écoutez, de plusieurs dizaines de milliers de dollars, là, c'est assez incroyable. Donc voilà. Donc réellement, il est assez clair que les gens souffrent plus de la TSA que d'Osama Bin Laden. Hein? Donc réellement, là, Osama Bin Laden d'ailleurs qui est mort, disons-le. Donc voilà, donc la TSC, des travailleurs qui ont admis avoir volé de larges montants d'argent. Et puis lui, Obama, ben, il trouve ça génial. Fait qu'il a décidé d'allouer plus de 44 milliards de dollars de plus pour acheter de ces scanners corporels que la TSC vont se servir. Alors, c'est 3,73 trillions de dollars de budget qui a été voté pour l'année fiscale de 2012, qui va commencer en octobre. Prochain, le 1er octobre. Et puis, de ce budget, ben, 44 milliards de dollars vont être alloués au département du Homeland Security pour acheter 275 mois plus de ces scanners corporels qui vont être installés dans les aéroports américains, malgré toute l'opposition qui a été amenée du public, des experts de la santé à propos de la sécurité de ces fameuses machines qui sont une menace pour non seulement la vie privée, personnelle, mais qui sont aussi complètement inefficaces. Et comme je vous disais, je vous réfère aux émissions précédentes pour savoir pourquoi. La folie ne s'arrête pas là. Ben, vous avez l'armée ici qui annonce maintenant un nouveau bidule d'espionnage qui a pris quand même quelques années à développer, coûté plus de 4 millions de dollars aussi pour être développé. Et ça se trouve avec un petit bidule qui ressemble à un oiseau. Des photos, une vidéo, allez voir ça. Un petit oiseau ici là qui finalement vole et puis c'est un appareil qui permet d'intégrer une petite caméra et puis là on fait voler ça autour des endroits où des gens qu'on veut espionner, qu'on veut surveiller à distance comme ça et puis ça a l'air d'être un oiseau qui est là à distance. Donc, n'est-ce pas assez incroyable? Donc, vous voyez, encore là, le Pentagone qui continue vraiment à mettre en place là, des objets de l'État policier comme ça pour surveiller tous les gens. Et puis, les policiers, ben, ça continue aux États-Unis. Je veux dire, c'est vraiment pas drôle. Vous avez ici une vidéo d'un policier qui a menacé un homme qui avait déjà été arrêté, qui était menotté. Alors, menaçait d'utiliser son taser contre ses organes génitaux pour essayer d'avoir de l'information. Alors, ça a fait tout un plat aux États-Unis. Et on apprend ici dans un autre article, c'est important, on apprend dans le troisième quarter report de la National Police Misconduct Statistics aux États-Unis. Donc là, écoutez, ça vient là, vraiment là, directement là, de la police même aux États-Unis, que les officiers de police commettaient environ 3 fois plus de crimes sexuels que le public en général. Alors, ça, c'est incroyable, là. On apprend ici que ces officiers de la police ont commis de ces assauts sexuels à un taux de 79 par tranche de 100 000 agents de la police qui existent. Alors, c'est assez particulier, là. Okay? 79 personnes sur 100 000 dans les services de la police ont commis des assauts sexuels. Alors que les taux sont à 28,7 pour 100 000 pour le public en général. Alors, voilà des nouvelles quand même assez surprenantes. J'invite à aller voir ça. Ensuite, une autre nouvelle assez surprenante, on a appris que la US Air Force a atterri en Argentine avec un C-17 et ont essayé d'introduire dans le pays à la cachette des armes et des médicaments. Alors, ça a été relâché par le ministre des Affaires étrangères de l'Argentine. Et évidemment qu'on demandait aux États-Unis des explications pourquoi, à savoir pourquoi qu'on avait essayé d'introduire de l'armement non déclaré dans la nation. Alors, c'est assez particulier, là. Allez voir ça. Alors, on se demande si on n'est pas en train de préparer de quoi aussi en Amérique du Sud. Alors, l'Argentine, le gouvernement américain a fait, le gouvernement argentinien a fait des estimations sur la valeur des biens qui ont été apportés par ce C-17. Et puis, on a déterminé qu'il y en avait pour à peu près 2 millions de dollars. Alors, vous voyez, c'est quand même pas des petites quantités. OK? Et puis, ça a été apporté proche de Ezeiza. Je ne sais pas si je prononce bien, là, Ezeiza. Et puis, Ezeiza, ben, c'est proche de la frontière avec l'Uruguay, qui aussi avec ses voisins de la Bolivie, du Paraguay et puis aussi de l'Argentine elle-même, ont reconnu l'État palestinien à travers ses frontières de 1967. Est-ce que les États-Unis seraient en train de faire le travail sale d'Israël? Je ne sais pas. C'est une question à se poser. C'est une question à se poser qui est importante, ou est-ce que c'est un autre job de déstabilisation? On ne le sait pas, sauf qu'il y a des trucs assez curieux qui se passent. Alors, allez voir ça. Vous avez aussi ici un autre article important où on parle justement d'un embargo potentiel qui a été proposé d'ailleurs par Connie Mack, une républicaine aux États-Unis, qui, elle, a proposé un embargo contre le Venezuela. Et bien, voilà. Alors, est-ce qu'on est en train de préparer de quoi? Je ne sais pas, sauf que vous voyez qu'il y a des mouvements qui se passent dans cette direction-là. Alors, évidemment qu'un embargo, normalement, est un prélude à une certaine confrontation militaire. Vous savez que les réserves de pétrole au Venezuela sont immenses. Alors, est-ce qu'on est en train de se préparer à provoquer l'Amérique du Sud d'une façon ou d'une autre? On ne le sait pas. Sauf qu'il y a des États intéressés, dont les États-Unis, à mettre la main, qui ont aussi des compagnies qui ont des intérêts très importants dans le pétrole. Alors, allez voir ça. Ça, c'est aussi assez particulier. Vous savez que Hugo Chavez avait d'ailleurs nationalisé le pétrole, et puis avec cet argent-là, avait été capable d'éradiquer bien des problèmes. Okay? Vous aviez des gens qui étaient analphabètes là-bas. Avec l'argent qui a été capable de rapatrier en nationalisant le pétrole, Hugo Chavez a été capable de donner des services de santé gratuits, l'éducation, des fonds de pension et plusieurs autres programmes sociaux. Et puis, vous savez que le Venezuela est aussi refuge de 4,5 millions de réfugiés colombiens et qui a été reconnu par les Nations Unies comme étant un des plus importants problèmes de réfugiés dans le monde. Donc, c'est assez particulier. Donc, allez voir ça. Vous savez, Hugo Chavez laisse rentrer plusieurs centaines de ces réfugiés colombiens à chaque jour. Bien, évidemment que ça vient à cause des problèmes de la Colombie, hein, où on essaye justement de, vous savez, la capitale, hein, de production de drogue dans les Amériques, qui pose un problème grave pour justement les importateurs de drogue, une sorte de criminels qui viennent de la Colombie. Et puis qui terrorise les populations et puis finalement qui se sauve du pays. Donc évidemment que la nationalisation des ressources naturelles par Hugo Chavez en a fait de lui définitivement un dictateur dans l'opinion de l'élite corporative, mais un héros dans le cœur de son peuple, hein, et de la plupart des Colombiens qui ont trouvé refuge au Venezuela. Donc, on a intérêt peut-être ici au niveau des États-Unis à essayer de détruire, hein, une personne si mauvaise que Hugo Chavez, n'est-ce pas? Nouvelle assez troublante ici au Canada. On a appris, c'est un article là, ici du Globe and Mail. On apprend que le CRTC, qui est l'agence qui régule les télécommunications ici au Canada, sont en train de planifier de lever l'interdiction pour les grands services de médias de propager des fausses nouvelles. J'en avais parlé un peu dans une émission précédente, j'en parle encore. C'est assez particulier. On est en train de vouloir donner la permission aux grandes institutions journalistiques de nouvelles de tout simplement mettre sur les ondes des nouvelles qui sont soit fausses ou qui pourraient porter à erreur, évidemment, porter à confusion, qui pourraient être une certaine forme de propagande. Alors ça a porté évidemment beaucoup de consternation dans plusieurs groupes, dont certains groupes de journalistes canadiens. Donc, aussi, c'est assez spécial là, au Canada. Là, on est en train de préparer le terrain justement pour qu'on introduise des nouvelles fausses dans le paysage médiatique pour essayer de tromper la population. Des nouvelles à aller surveiller, aller voir ça, assez troublant. Et puis, c'est pas pour dire carrément bizarre. Vous voyez que les trucs se dégradent énormément. Et puis, tout ça sous notre fameux premier ministre, Stephen Harper. Donc, allez voir ça, des nouvelles très intéressantes. Les médias canadiens sont en train d'obtenir une licence pour mentir. Donc, on poursuit. Écoutez, des nouvelles comme ça, il y en a énormément. Vous avez les pourparlers inter-Corée qui se sont effondrés. Alors, ça aussi, c'est un autre dossier qui ne regarde pas bien. La Corée du Sud a donné une précondition à la Corée du Nord de se confesser d'avoir coulé le Cheosan, si vous vous rappelez de ça, le fameux bateau sud-coréen qui a été coulé. Puis on ne sait pas encore vraiment c'est qui. On a accusé la Corée du Nord. Il y a des sérieux doutes à savoir si c'est vraiment la Corée du Nord qui a fait cet acte. La Corée du Nord qui a refusé évidemment d'accepter toute responsabilité de ça, puisqu'il n'y a aucune preuve. Et puis, vraiment, il y a des doutes vraiment sérieux là, par rapport à ça. Et puis là, ce refus a fait en sorte que les pourparlers se sont effondrés. Vous avez une autre histoire particulière ici qui traîne dans les médias depuis quelques jours. C'est ces deux fameux bateaux de guerre iraniens qui voudraient passer à travers le canal de Suez et qui sont en train de créer une situation absolument terrible selon Israël. Il faudrait les arrêter. Israël qui a fait énormément de pression sur l'Égypte pour ne pas les laisser passer. On est en train de se demander si on n'est pas en train de préparer un prétexte pour partir une guerre contre l'Iran. Alors, vous avez Israël qui cherche désespérément des excuses pour créer encore là un faux incident terroriste, un false flag attack, une justification pour une confrontation militaire contre l'Iran, qui serait payé évidemment et combattu par les Américains, parce que les Américains qui, évidemment, ont tout le temps promis et réaffirmé leur soutien sans condition, leur inconditionnel à Israël. Et puis, s'il se trouvait qu'Israël arrivait à fermer le canal de Suez d'une façon ou d'une autre, avec une fausse attaque terroriste, un genre de scénario du type, eh bien, vous pouvez compter sur une guerre qui pourrait définitivement enflammer toute la région et possiblement le monde entier. Ça, c'est un autre truc assez particulier. Vous avez la fameuse élite israélienne complètement paranoïaque qui pense que justement qu'un passage de deux bateaux iraniens pourrait signifier justement une occasion en or, eux autres, pour provoquer une confrontation. Ça aussi, c'est un truc assez particulier. Puis en même temps, ben écoutez, vous avez le Enterprise Strike Group qui est en train de transiter à travers le canal de Suez. C'est la cinquième flottille des États-Unis. Alors, on parle ici d'un porte-avions, un truc assez massif là. Donc, vous avez le USS Leyte Gulf qui se trouve à être là avec des bateaux de support de combat rapide qu'on appelle des USNS Arctic TAOE 8. Alors, voilà pour vous donner les détails exacts. Alors, vous voyez tout cet appareillage militaire important américain qui est en train de se rendre dans la même région qui se trouve proche du canal de Suez. Et puis, si vous regardez une carte de la région, bien, vous allez vous rendre compte que vous avez aussi le Bahreïn qui se trouve à être la maison, si vous voulez, le port d'attache de la cinquième flottille des États-Unis. Et puis, ben écoutez, si vous avez Israël qui est en train de lancer une fausse attaque terroriste contre ces deux bateaux iraniens qui sont en train de transiter dans le golfe de Suez, ben vous avez l'Enterprise Carrier Strike Group qui, lui, va être en parfaite position pour lancer une attaque contre l'Iran. Alors, ça, c'est incroyable parce que vous avez la date de l'histoire de l'Enterprise qui est en train de se diriger vers le Bahreïn, qui, lui, match parfaitement le temps auquel Israël a lancé, a commencé à crier à propos de ces deux bateaux iraniens comme étant une provocation. Alors, il se trouve que on se trouve avec une élite mondiale, une élite financière, une élite de guerre qui se trouve à être désespérée pour partir une guerre mondiale pour laquelle vous allez payer, puis dans laquelle vos enfants vont mourir. Israël aussi qui menace d'envahir le Liban encore. Alors ça vient de Ehud Barak, le ministre israélien de la Défense et des Forces armées, qui déclarait, lui, qu'on pourrait envoyer justement les forces armées à travers la frontière libanaise pour justement engager une confrontation militaire contre les guerriers de la résistance du Hezbollah. Alors, ça a été rapporté par différents journaux israéliens. Et vous avez aussi Israël qui, d'ailleurs, a violé l'espace aérien du Liban à plusieurs reprises encore. Alors, des provocations directes. Et pendant ce temps-là, ben, vous avez les États-Unis qui ont posé leur droit de veto contre la résolution condamnant, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, condamnant l'établissement de construction israélienne en territoire occupé palestinien. Voilà, ça c'est assez incroyable. Et puis pendant ce temps-là, ben, vous avez des pirates somaliens qui ont kidnapper quatre Américains. Alors ça, c'est une situation assez ironique, assez particulière. Pourquoi? Ben parce que, écoutez, c'est assez particulier dans la situation. Je ne sais pas si vous vous rappelez la flottille de la Liberté qui a été attaquée par justement Israël il y a quelques mois en eau internationale. Et on avait d'ailleurs sur cette flottille de la Liberté un Américain, un citoyen américain, qui a été abattu à bout portant de cinq projectiles. Et le gouvernement américain n'a absolument rien fait, n'a pas bronché. Obama qui n'a pas levé le petit doigt pour protéger, pour disputer, pour essayer de blâmer les États-Unis, Israël, de quoi que ce soit. Et puis là, ben, vous vous retrouvez dans un cas où vous avez ces pirates somaliens qui ont enlevé quatre Américains. Et ben, vous savez que, comme je vous disais, lorsqu'Israël a attaqué et tué ces Américains en eau internationale, le gouvernement n'a pas fait absolument rien. Alors, maintenant, ce qui arrive, c'est que si Obama ne répond pas, ne réagit pas aux pirates somaliens, eh bien, les États-Unis seront vus comme étant évidemment très faibles et une proie facile. Mais si Obama décide de sévir et puis de se lancer à la poursuite de ces pirates somaliens, eh bien là, tout ce que ça va faire, c'est souligner le fait que les États-Unis ont eu un échec flagrant de faire la même chose lorsqu'Israël a attaqué la flottille d'aide humanitaire. Alors, ça, on appelle ça condamner si vous faites une réaction, si vous faites de quoi, et puis condamner si vous ne faites rien. Et puis, ben là, c'est Obama qui s'est mis dans cette situation vraiment très inconfortable. Vous avez l'armée américaine qui a demandé à ce qu'on leur apporte, à ce qu'on crée des machines, des mitrailleuses. Vous savez, on a ces fameux fusils avec des balles de plastique ou des balles de caoutchouc qu'on lance pour les contrôles de la foule. Eh bien là, on aimerait, au niveau de l'armée, qu'on en fasse des machines à répétition. Alors, vraiment, on essaye d'avoir une certaine mitraillette développée qui pourrait lancer de ces fameuses balles de caoutchouc pour contrôler la population. Alors, imaginez contre qui ça va être retourné. Vous avez tout compris, contre la population elle-même. Fantastique. Alors, ça continue. Vous voyez, on arrive pas mal à la fin de l'émission. Là, il y en avait beaucoup comme ça, des nouvelles. On n'aura peut-être pas vraiment le temps de toucher à tout ce qu'on avait sur la table. Mais allez voir quand même le reste des nouvelles. Il y en avait beaucoup, là. Vous avez la Air Force aux États-Unis. Alors là, c'est l'armée de l'air aux États-Unis. Les autres qui ont, ça a été révélé que l'armée a cherché à développer certains programmes qui leur permettraient de gérer des avatars, si vous voulez, des personnifications sur Internet. Alors, imaginez que vous avez un blog où vous interagissez sur des forums de discussion avec certaines personnes. Déjà, il est assez difficile sur Internet de savoir à qui réellement on parle. Mais là, on fait face à un prospect qu'on aurait affaire à des personnes qui n'existent simplement pas. Alors, ce programme-là permettrait à une personne de gérer peut-être 10 fausses identités sur Internet en leur donnant tout un background légitime, en leur attribuant des adresses IP particulières qui concordent avec leur emplacement géographique inventé. Et puis, vous avez le gouvernement qui est impliqué là-dedans. Alors, le gouvernement fédéral aux États-Unis, alors c'est assez incroyable. On a donné un contrat comme ça au 6e Contracting Squadron à MacDill Air Force Base, qui est localisé à Tampa, en Floride. Et puis, on veut justement développer ces trucs-là. Alors, vous pourriez avoir 50 utilisateurs avec 10 fausses personnes qui pourraient faire un total de 500. Alors, puis là, ben, se déplacer sur Internet et puis interagir avec des gens. Alors, imaginez, dans pas longtemps, vous allez interagir avec des personnes qui n'existent même pas. Alors, c'est assez particulier, n'est-ce pas? La CIA et le Pentagone qui savaient que leur méthode était des tortures. Alors, un autre article ici qui est publié, ça vient d'être révélé aussi. C'est un article qui a été publié en janvier dans les American Magazine, dans le magazine américain Science. Alors, voilà. Donc, bienvenue en Amérique, hein? Une courtoisie des deux dernières administrations où la torture est devenue institutionnalisée. Alors, on a simplement légalisé la torture. L'armée qui a admis aussi avoir détruit tous les papiers, les documents qu'on accumule qui viennent de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en Irak en 1991. Alors, ça, c'est une lettre qui vient du département de l'armée qui a demandé à ses unités de détruire toutes ces documents-là après la fin de la guerre qu'on appelait la tempête du désert, l'opération tempête du désert, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile pour les vétérans de guerre qui sont blessés d'avoir les bénéfices médicaux qu'ils ont besoin. Alors, ça, c'est incroyable. On essaie d'effacer les preuves comme ça, toutes les traces. Vous savez, il y a plusieurs histoires de contamination à l'uranium appauvri, puis des vaccins illégaux qui ont été donnés, des tests qui ont été carrément faits sur les troupes. Allez voir ça. Ensuite, il y a une histoire assez particulière ici. Alan Dershowitz qui s'est joint à l'équipe de WikiLeaks et puis au fondateur, M. Assange, alors à son équipe juridique. Alors ça vient de journal israélien mainstream, donc c'est du sérieux. Et puis comme on dit, ben c'est une vraie farce. C'est une vraie farce, pourquoi? Ben parce que ce personnage-là, M. Alan Dershowitz, c'est un professeur de Harvard, à la Harvard Law School. Et puis, écoutez, ce personnage-là, évidemment, si vous ne le connaissez pas, vous avez intérêt à le découvrir sur Internet. Un personnage qui est fortement imbriqué dans le lobby israélien, une personne juive, et qui vient vitalement confirmer que WikiLeaks est de facto tout à fait une opération de propagande israélienne. Une autre preuve qui vient s'imbriquer. Le Monde aussi qui va observer la semaine de l'apartheid israélien. Ça aussi, c'est un truc qui va se dérouler entre le 7 du mois de mars jusqu'au 20 mars à travers le monde, et puis du 21 jusqu'au 26 mars en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, c'est tout pour les nouvelles de la semaine. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Gros dossier, justement, sur l'histoire des révolutions un peu partout dans le monde. Ça brasse. Donc, on va revenir en détail sur ce dossier-là et aussi sur l'économie la semaine prochaine. Donc, soyez là au rendez-vous. Moi, je vous salue bien bas. C'était François Marginan pour L'Autre Monde. Bye bye.